Vous écoutez Vivacité, il est 14h. Le journal est présenté par Natacha Stragier. Bonjour, le travail a repris normalement à Morlanway, à la boulangerie industrielle Le Bon Grain. Les employés avaient arrêté le travail à la suite de l'annonce jeudi du dépôt de bilan du propriétaire de l'usine. La production est à nouveau normale, de même que la plupart des livraisons chez les clients. Le 7Car rappelle qu'il y a au moins 2 candidats repreneurs qui se sont signalés au curateur. Une nouvelle assemblée générale du personnel est prévue demain matin. Une manifestation pour la culture a dégénéré à Genève. Plusieurs magasins, banques et banques ont été vandalisés hier soir. La façade du Grand Théâtre a été maculée de peinture. D'après la police, les dégâts sont très importants. Cette manifestation avait été convoquée sur les réseaux sociaux pour protester contre des réductions de budget visant les sites de culture alternative. Alors que les grands organismes restent subventionnés, environ 400 personnes y ont participé. La plupart des dégâts ont été causés par une trentaine d'entre elles. L'état de santé d'un enfant blessé dans l'avalanche qui a enseveli une dizaine de maisons hier sur l'archipel du Svalbard reste préoccupant. Un homme de 40 ans a été tué. 9 personnes en total, dont 2 enfants, ont été blessées. Le gouverneur de ce territoire norvégien de l'Arctique a fait évacuer 180 personnes qui habitent au pied du Sugartoppen, la montagne de sucre, par crainte de nouvelles coulées de neige. Perdu à des centaines de kilomètres au large du Cap Nord, l'archipel est l'une des régions habitées les plus au nord de la planète. Une habitante de Kirkuk de 20 ans a été élue Miss Irak. C'est la première cérémonie de ce genre organisée depuis 1972 dans le pays. Le concours était organisé dans un grand hôtel de Bagdad. Les 8 candidates n'ont pas défilé en maillot et aucun alcool n'a été servi. Mais comme partout, la jeune gagnante s'est déclarée très heureuse. Elle a annoncé qu'elle allait utiliser sa nouvelle célébrité pour promouvoir l'éducation. La météo, les nuages font leur retour à partir de la frontière française. Les maximales cet après-midi entre 10 degrés en Ardennes, de 13 à 15 degrés ailleurs. Ce soir et cette nuit, il pourrait pleuvoir. C'est la fin de ces infos. Pierre Collard-Bovy, bonjour, c'est l'heure du point RTBF Mobile Info. Effectivement, avec une bonne nouvelle tout d'abord, c'est que l'accident sur le 34 en vers Eindhoven en direction donc des Pays-Bas, c'est terminé, on n'en parle plus, tout est rentré dans l'ordre, même plus de fil après coup, tout va bien. On rappelle ces travaux sur le 42 Namur-Mons entre Timéon et Gouy, avec les voies de gauche centrales neutralisées en direction de Mons. Ce chantier est prévu jusqu'à 18h, on le signale chaque fois pour que vous leviez le pied, pour ne pas mettre en danger les ouvriers qui travaillent sur ce chantier. Encore des embûches sur la route? Heureusement qu'il y a des bûches de Noël au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Chez Cora, c'est tous les jours dimanche. Surtout le dimanche 20 décembre. Bah oui, puisque nous sommes ouverts. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. De 14h à 18h avec Cyril. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité si vous nous rejoignez, bon après-midi, c'est Viva for Life pendant encore 77h, 10 minutes et 34 secondes. On compte sur vous pour choisir la musique, la partager et faire vos dons pour soutenir les 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui ont besoin de votre soutien. C'est un enfant sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté. Et si vous découvrez à l'instant Viva for Life, eh bien sachez qu'on soutient des associations tout au long de l'année. 140 appels à projets ont été reçus cette année et on compte bien distribuer un maximum d'argent à ces associations. Et c'est grâce à vous qu'on va pouvoir le faire. Viva4life.be pour choisir la musique ou alors vous appelez toute l'équipe au call center Enalo qui vous attend 0800 30 007. Le numéro est gratuit et vous pourrez demander la 3001e chanson puisqu'on vient d'atteindre les 3000 chansons demandées cet après-midi là à 14h04. Merci à vous de vous mobiliser aussi nombreux pour Viva4life. Vous faites un petit don et puis on écoute la chanson que vous avez envie d'entendre. Alors c'est pas la seule façon de pouvoir soutenir Viva4Life. Vous pouvez par exemple sur la boutique RTBF ou ici sur place à la place de la digue acheter notre mascotte, notre Teddy, notre petit ours en peluche qui est magnifique avec son petit casque sur les oreilles. Vous pouvez l'avoir chez vous. Il y a le casque audio aussi d'ailleurs, il y a le pins Viva4Life ou alors le bonnet de Noël ou encore le sac à dos pour que vos enfants soient tout mignons pour la rentrée de janvier. à l'école. N'hésitez pas à venir faire un tour sur la place de la Digue à Charleroi pour acheter tout ça, ou rendez-vous si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'ici sur vivaforlife.be pour acheter nos articles Viva for Life. Et alors, si vous êtes plutôt musique et que vous avez envie d'avoir tout ça chez vous à disposition quand vous voulez, il y a notre compile Viva for Life numéro 3 avec Marraine. Zazie, je suis un homme, peut-être que vous pouvez le choisir. On peut peut-être écouter des extraits de la compilation cet après-midi. Vous allez sur viva4life.be pour ça, 0830 007 au téléphone. Il y a sur cette compile Georges Ezra aussi. Viva for Life 3, la compile, c'est aussi Cyndi Lauper. Sur cette compil, il y a aussi un artiste parti beaucoup trop tôt qu'on aimait beaucoup, Grégory Lemarchal. N'hésitez pas à demander la compilation Viva for Life, à l'acheter sur viva4life.be ou alors demander les extraits comme Daniel Balavoine aussi. Allez, mobilisez-vous, choisissez la musique, il y a du cœur, partagez-la, 0830 007, viva4life.be. Le SMS aussi, pour faire un don, 40 01, vous tapez votre numéro de compte, vous ajoutez un espace et vous mettez le montant que vous voulez donner, 40 01, ou alors le compte bancaire directement, BE35, 8 x 0, 37 37. Merci pour tous les enfants. Viva for Life. Un énorme merci à Karine qui a donné 100 euros pour pouvoir écouter cette chanson. C'est en honneur à son mari qui est décédé, qui donnait énormément aux associations. Elle a décidé du coup de donner 100 euros. Et Karine était le 3 millième titre demandé depuis le début de ce Viva for Life 2015. Continuez à choisir la musique, 0800 30 007. Et pendant ce temps-là, les joueurs du Sporting de Charleroi sont en train d'arriver sur la place de la Digue. Il y a un énorme car de supporters aussi qui est arrivé, un bus anglais avec des zèbres dessinés dessus. On va prendre l'ambiance du côté de la place pour le moment, avec des supporters qui vont pouvoir faire dédicacer leurs maillots, des photos par toute l'équipe du Sporting qui a fait le déplacement ce dimanche sur la place de la Digue à Charleroi. Et alors au même moment, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir regarder des matchs de kicker géant, c'est-à-dire qu'il y a un énorme kicker gonflé qui a été mis au milieu de la place de la Digue ici à Charleroi, avec en ce moment une équipe Viva for Life face à des auditeurs. Toutes les équipes ont payé pour participer, c'est de l'argent qui va directement dans la cagnotte Viva for Life. Et tout à l'heure, on assistera à la finale des meilleurs joueurs face aux zèbres, carrément. Donc gros match tout à l'heure en préparation. On suivra ça en direct, bien évidemment. 0800 30 007, la musique a du cœur, on la partage. Et juste après une toute petite pause, c'est Anne-Marie qui nous a proposé d'écouter le titre de James Brown, I Got You, I Feel Good. On écoutera ça dans un instant. C'est de l'argent qui rentre, c'est encore 100 euros dans la cagnotte Viva for Life. On va tout de suite se diriger du côté de la place pour écouter les supporters. Vous entendez qu'il y a du monde ici sur la place de la Digue, mais on peut faire mieux. On peut avoir encore plus de monde. Et comme ça, tous ensemble, si vous êtes supporter de Charleroi, vous pourrez chanter. Les supporters Carolo sont chauds et ils sont intenses. Venez le prouver, venez le montrer à tout le monde en direct à la télé, sur le live center rtbf.be également. On vous attend, place de la Digue à Charleroi. Viva for Life avec nos partenaires. L'agriculture de Wallonie soutient Viva for Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva for Life. Dès maintenant, chez Manier Luxus, offrez-vous une paire de chaussures et recevez une machine à café Dolce Gusto d'une valeur de 89 euros. Faites plaisir et faites-vous plaisir. Offre limitée pour tout achat de minimum 199 euros. Conditions manier.be. Des chaussures ? Manier Luxus. Viva for Life. Salut, c'est Alice Sandrouz. Salut à tous, c'est Thomas Dutronc. Salut, c'est Vianney. Faites comme nous. Soutenez Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. L'agriculture de Wallonie soutient Viva for Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva for Life. Jusqu'au 31 décembre chez Sélection, achetez une imprimante HP Envy avec deux cartouches d'encre et recevez jusqu'à 50 euros de cashback et un poster format A1. Sélection, meilleur et pas plus cher. Aujourd'hui, autour du cube de verre de Viva for Life. Rendez-vous dès 18h30 pour participer à l'émission télé en direct sur la Une. Et ensuite, le podium de la place de la Digue à Charleroi accueille Lost Frequencies, Jali, Jane, William Danker, Roberto Bellarossa. Venez les applaudir et soutenez Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la en live. Luc, allons voir les magasins de chaussures trouvés sur localizy.com. Et on commence par celui qui fait une promo. Localizy.com. Localizy.com. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Mm-hmm. sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. James Brown, pas James Brown, je fais un mélange de James Bond et James Brown. C'était le choix de Anne-Marie qui était qui a décidé d'écouter ce titre-là. Et Anne-Marie est là au téléphone. Bonjour Anne-Marie. Bonjour tout le monde. Comment ça va Anne-Marie? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites de beau cet après-midi? Ah, je peins. Comme chaque année, je peins en écoutant votre émission. Vous peignez, c'est-à-dire vous refaites votre intérieur ou vous faites des tableaux? Ah non, non, je refais mon intérieur. Chaque année, vous refaites? Eh bien, j'attends votre émission pour me mettre à peindre. Hey, est-ce que vous vous mettez raccord avec les couleurs? C'est-à-dire, est-ce que vous avez choisi du rouge et du orange et du jaune pour mettre ça chez vous? Ah non, c'est du vert. Du vert? J'espère. Bon, ben, on n'a pas de vert ici, sinon on vous a rendu un petit hommage. Mais c'est très. Quoique, on a des fleurs ici, un petit peu, une petite touche de vert sur le plateau. Anne-Marie, pourquoi est-ce que vous avez choisi James Brown? Oh, parce que j'adore cette musique et j'adore danser dessus. Oh, j'aimerais bien vous voir danser. Dommage qu'on soit juste au téléphone, Anne-Marie. Ah oui, là, je me déchaîne. Merci beaucoup, vous avez donné 100 € pour les enfants, c'est super gentil. Je vous fais des bisous, Anne-Marie. À merci bientôt. Merci beaucoup et bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir. À vous aussi, Anne-Marie. 0830-007 pour choisir la musique. Dans un instant, nous allons écouter Yves Duteil, Prendre un enfant. Ce sera dans quelques petites secondes. Mais avant, nous allons nous connecter avec la place de la digue juste devant. Donc, on traverse les vitres. C'est la magie de la radio et de la télé. Est-ce que vous êtes chauds les supporters de Charleroi sur la place de la Digue? Je veux vous entendre en direct à la radio. Moyen, moyen. Les supporters Carolo, est-ce que vous pouvez nous chanter un petit chant de supporters? Je ne sais pas si ça va assez fort sur la place. Vous nous entendez sur la place? Oui. Alors, les supporters Carolo et les joueurs du Sporting qui sont sur la scène en ce moment, est-ce que vous pouvez, si vous nous entendez, je ne sais pas si ça passe correctement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit chant Carolo? Les supporters, 1, 2, 3, on y va. Je pense que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a la scène qui diffuse un autre chant. Voici un vrai supporter des Carolo, Kid Noise. Aujourd'hui, j'ai été sur la scène l'autre jour avec des potes. J'adore ça. Le stade, les tribunes, le son, les odeurs, les cris, la joie, la défaite, la victoire, le stress. Et quand on gagne, mes potes et moi, en général, on fait ça ensemble. Et quand on perd, on se rassemble, on pense à l'avenir, et pour se préparer au prochain match, on fait la fête. Le foot, c'est cool, ça rassemble. Voilà un message de Kid Noise. Vivaforlife.be 0830-007 pour faire vos dons. On compte sur vous. Et juste avant d'écouter Yves Duteil, on a un invité qui rentre dans le cube Vivaforlife. Qui est-ce découverte en direct? C'est parti. Eh, c'est Mehdi. Salut Mehdi. Comment ça va? Ça va Cyril ? Ça va bien et toi ? Mais très bien. Alors viens t'installer autour de... Ça se voit un peu la fatigue ? Vraiment ? T'as les petits yeux quand même. Ça commence à s'apercevoir. Pourtant j'ai dormi quoi 4 heures cette nuit quand même. Vas-y installe-toi Mehdi, prends un micro, mets-toi à l'aise comme chez toi. Ça fait plaisir de voir autant de supporters pour le Sporting. Et t'as vu que je porte le maillot, hein. Je l'avais promis à la rentrée du Cube, je l'ai remis aujourd'hui. C'est très bien. Et le contrat c'est pour quand maintenant que j'ai le maillot ? On signe, tu m'engages ? Alors, parle dans le micro. Je parle dans le micro. Ben, on a besoin de recruter, je crois. On n'a pas fait un très bon résultat hier. Donc, si jamais tu veux te postuler pour être attaquant au Sporting de Charleroi, pourquoi pas, hein, c'est le moment. Hein. Avec plaisir. Alors, tout à l'heure, si tu fais rentrer des joueurs, on fera un petit match si tu veux. Avec et plaisir. Je te montrerai mes talents de footballeur. C'est ce qui s'appelle faire un essai, en fait. Donc, tu vas pouvoir faire un essai au Sporting de Charleroi. Et la seule chose que tu pourras me faire faire après, c'est servir des bières au bar parce que tu verras que sur un terrain, c'est pas top. Bon, merci beaucoup, Mehdi, de soutenir Viva for Life parce que le Sporting, c'est bien bougé, il y a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour soutenir les 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie ? Mais écoute, on a vraiment essayé de s'investir à fond dans l'opération, notamment lors du match contre Louvain chez nous. On avait vraiment mis en place une opération Viva for Life. Et mis à part les jeux traditionnels qu'on a mis en place, envoyer des SMS, tout ce qui s'ensuit, on a vraiment essayé de mobiliser tout le stade, évidemment, à la cause Viva for Life. Et puis, on a aussi envoyé nos petits jeunes espoirs qui ont été vendre les fameux Maracas Belfius autour du stade aussi. Et puis en complément, pour essayer d'arriver à un montant quand même conséquent, parce que c'est très important pour nous, la Fondation Sporting de Charleroi a décidé de compléter le montant qu'on avait pour arriver donc à ce fameux montant de 10 000 euros que je vais vous remettre aujourd'hui. Ah ouais, quand même, 10 000 euros qu'on ajoute à la cagnotte. Merci beaucoup Mehdi, ça c'est énorme, ça c'est un beau cadeau, c'est super sympa. Est-ce qu'on peut découvrir le chèque ? Tu le montres en image. Quand on avait dit que les Carolo avaient énormément de cœur, c'est vrai, et toute l'équipe du Sporting de Charleroi aussi, 10 000 euros, merci beaucoup Mehdi. Alors, en échange de ce chèque, c'est déjà super sympa de nous avoir donné le chèque. Mehdi fait quelques photos. Et juste après, Mehdi, je vais avoir un petit défi pour toi. Mehdi Bayat, l'administrateur du Sporting de Charleroi, est avec nous. Tu restes encore quelques minutes, Mehdi, ça va ? Allez, parfait. Juste le temps d'écouter Yves Duteil prendre un enfant tout de suite. C'est ce qui a été demandé par un auditeur, une auditrice. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un très bon choix. Soir. Ça a été demandé par beaucoup de monde, ce titre, Dave Dutheil. 58 personnes qui l'ont demandé au 0830 007. Merci pour tous ces dons, ça fait beaucoup d'argent qu'on ajoute. Hop là, c'est un compteur qui grossit et qui, grâce à vous, passera, je l'espère, les 2 100 000 euros mercredi quand Marraine viendra nous sortir du cube. Il y a Thierry Luther qui nous rejoint dans un instant et on va parler un petit peu de foot avec vous, Thierry. Et Mehdi, alors on va réparer le micro qui est encore en panne. On a un micro qui ne fonctionne jamais, Thierry. Et Mehdi, nous allons dans un instant réaliser un défi avec toi. Mehdi Bayat, administrateur du Sporting de Charleroi, est avec nous. Il vient de donner un chèque de 10 000 euros. Merci Mehdi. Et il va falloir faire un petit effort supplémentaire dans un instant. Ne bouge pas. Je vois dans ton regard, Mehdi, des gros points d'interrogation. Tout va bien se passer, ça ne fera pas mal. C'est promis. Elle est célèbre depuis plus d'un siècle. Elle détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement votre intérieur. La lampe Berger sera pour les fêtes l'invité d'honneur des magasins Sélection au passage Le Monnier à Liège et rue du Collège à Visée. En cristal ou en pâte de verre, en porcelaine ou en faïence, la collection la plus large des lampes Berger sera chez Sélection pour vous apporter un choix idéal de cadeaux de fin d'année et à un prix très raisonnable. Maison Sélection à Liège et à Visée. En mal d'idées pour les fêtes, offrez du bien-être, une pause soin ou détente à l'espace 22. Voilà un cadeau qui ne s'échange pas. Sauna, hammam, jacuzzi, de nombreux soins en institut ou même chez vous. Espace 22, c'est aussi une parfumerie sur 800 mètres carrés. Découvrez nos chèques cadeaux. Espace 22, c'est tout ce que je veux. Rue de la Station à Anse et sur espace22.be. Vivacité et la Une présente. Le Festival du Cirque Européen fête son 25e anniversaire jusqu'au 3 janvier dans le Parc d'Avrois de Liège. Le plus beau spectacle de cirque traditionnel. Avec cette année, la Reine des Neiges et le clou du spectacle, Vénus des USA, les cascadeurs à moto dans la sphère d'acier. Info 04 222 28 82. Viva for Life. Mais elle va péter la table, elle va péter la table. Minou, je veux venir près de toi, Minou. Oh, mais Minou. Partagez les rires et les délires de Sébastien, Sarah et Cyril pour Viva for Life. Rendez-vous du 17 au 23 décembre en direct sur Vivacité, La Une et vivaforlife.be. Avec le soutien de la Loterie Nationale. CCML Show soutient Viva for Life pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Voilà 40 euros de plus qui rentrent dans la cagnotte Viva for Life grâce à Nathalie de Stavelot qui a demandé d'écouter It's a Sin des Pet Shop Boys. Merci beaucoup Nathalie. Thierry Luthers nous a rejoint dans le cube. Il y a du foot cet après-midi, Thierry. Ouais, il y a une belle affiche avec Bruges Anderlecht, le topper comme on l'appelle dans le nord du pays. Vous savez que le classico c'est Standard Anderlecht, mais le topper c'est Bruges Anderlecht. C'est un match très important pour les supporters des deux camps. Ça alors Thierry, le micro est retombé en panne. Alors tu vas juste partager avec Mehdi. Voilà, Mehdi, vous voyez que je sors un petit peu de mon rôle de neutralité. Hein, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ça chambre pas mal. Oui. On voit maintenant où est ton cœur, Thierry. Ah, vous voyez, je suis plus zap que ne le croyaient certains. Hein. Exactement. Si je m'en réfère à une banderole. Mais enfin, c'est une autre histoire. Et donc, pour vous dire que Bruges-Anderlecht vient de démarrer depuis 2 minutes, c'est toujours 0-0. Un petit mot sur les compos d'équipe à Bruges. On sait que Prudhomme est un adepte de la tournante. C'est encore le cas cette fois-ci par rapport au match victorieux en Coupe à Westerlo. Et puis à Anderlecht, il y a quand même quelques petits problèmes puisque Cara et Najar sont suspendus. Haylen joue dans l'axe de la défense. Akampong joue comme arrière-gauche. De Donker est préféré à Tielemans. Vous dire aussi qu'à 18h, il y aura Ostende Standard et à 20h, Gand Courtrai pour compléter le programme de cette 20e journée de Pro League. À propos de Bruges-Anderlecht, oui. Ben forcément, à cause du Vivafor Live, on ne peut pas le suivre en direct exceptionnellement, mais on tu peut le revenir. Suivre. Je vais revenir. Ah. Et de 1 et de 2, on peut le suivre en direct avec mon excellent confrère et néanmoins ami Manuel Jousse sur rtbf.be/sport. Vous aurez tout le match en direct commenté audio. Et puis. C'est là qu'il y aura un défi à faire chez vous si vous voulez suivre le foot. C'est que d'un côté, vous aurez une fenêtre rtbf.be pour suivre le sport. Et de l'autre côté, le Live Center RTBF. Vous suivrez deux choses en même temps. Oreille gauche sur le match, oreille droite sur Viva for Life. Elle n'est pas belle la vie. C'est magnifique. Et donc un petit mot quand même pour Mehdi. Charleroi, hier, on était là. Hein, on espérait une fête du foot ennuyée. Malheureusement, ils ont perdu tous les deux. Mais on rappelle que ces deux clubs vont se rencontrer mardi, que leur match leur tard, et que Charleroi peut encore aller en playoff 1, puisque ça va peut-être se jouer dans les jours qui viennent, le match à Moucron. Et samedi prochain, un certain Charleroi Genk. Et pour ça, il va falloir de l'énergie, Mehdi. On est d'accord, les joueurs vont devoir être en forme. Et toi aussi, tu dois les motiver, ces joueurs. Évidemment. Moi, alors, je dois essayer d'insuffler les ondes positives, justement, pour faire en sorte que le ballon tourne pour nous un petit peu. Exactement. Et alors, pour motiver les joueurs, il y a des chants de supporters. Oui. Ça arrive souvent, tu en connais ? Oui. Et alors, il y a le fameux chant de « Allez Sporting, saute avec nous ». Mais tu as apporté un chèque de 10 000 euros. Oui. Nous allons nous connecter avec la place de la digue. Philippe Delmel est sur la scène et nous allons tenter tous ensemble de faire une adaptation de ce chant pour te remercier d'avoir apporté ces 2000 euros, ces 10 000 euros. Et tu vas devoir participer aussi. Philippe, est-ce que tu m'entends ? Oui, je suis au milieu de la foule parce qu'on commentait en même temps un match de kicker géant sur cette place de la digue. Une rencontre qui opposait une équipe Viva for Life et une équipe appelée les héros du kicker. Ça ne s'invente pas. Sachez qu'on a le Sporting cet après-midi, mais on aura les héros du gazon qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Et là, je vais rejoindre la scène puisque c'est ce que vous me demandez de faire. Je vais retourner sur scène. Et donc, vous avez envie de demander quelque chose aux supporters qui sont présents sur cette place de la digue. Aux supporters et à Mehdi Bayat, ici présent en studio. Je suis là. Et les joueurs aussi, qui sont en pleine séance de dédicace. Tout le monde va devoir participer. C'est filmé, c'est retransmis sur le Live Center rtbf.be. Les zèbres ici ! Alors, le défi va être très simple. Vous connaissez bien sûr le « Allez Sporting, saute avec nous ». On va l'adapter un petit peu. Mehdi, viens peut-être ici à côté de moi. Oui. Nous allons faire « Allez Mehdi, saute avec nous ». Parce que Mehdi Bayat a apporté un chèque de 10 000 euros. Attention, c'est parti. Mehdi, saute avec nous. Allez Mehdi, saute avec nous. Plus haut Mehdi. Je saute. Allez Mehdi, saute avec nous. Merci beaucoup Mehdi. 10 000 euros, je rappelle, qui sont rentrés dans cette cagnotte Via for Life grâce au Sporting de Charleroi. Merci Philippe. Mais vous êtes tous formidables. Merci à vous, sur la place de la digue, de supporter aussi intensément l'action Viva for Life. 0830 007, la musique a du cœur, on la partage tous ensemble. On compte sur vous pour choisir la musique qu'on écoute cet après-midi et pendant encore ces 76 heures, 36 minutes et 8 secondes. 0830 007, un petit appel, ça prend quelques secondes. Vous faites votre don, vous choisissez la musique et on l'écoute dans un instant. Viva for Life, jusqu'au 23 décembre, c'est aussi en télé. Retrouvez Sarah de Padua, Sébastien Delvaux et Cyril de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télécembre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télécembre. Viva for Life, en direct de la place de la Digue à Charleroi sur Vivacité, la Une, Télécembre et vivaforlife.be. À Avec Mobistar, allons-y pour plus de partage avec votre famille grâce à nos super smartphones 4G à seulement 29€ avec Dauphin 25. Mobistar. C'est moi, Hip. Et spécialement pour les fêtes, votre hypermarché Carrefour sera ouvert ce dimanche 20 décembre avec une offre à ne pas rater. Par tranche d'achat de 100€, recevez un bon d'achat de 15€. Bam ! Ne manquez pas ça, c'est seulement ce dimanche. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Viva for Life. Avant de s'enfermer dans le cube de verre de Viva for Life, Sarah de Padua s'est confiée au magazine Gaël. Découvrez dans ce Gaël spécial Sarah les facettes inattendues de cette femme aussi belle dehors que dedans. Sarah se donne à fond et Gaël adore ça. Gaël, ma référence à moi. Viva for Life. Go! Ah, vous le tenez bien. Hein. 0-1 pour Anderlecht, ça a démarré très fort pour le Sporting. Après 6 minutes, un mouvement sur la gauche, centre d'Ankampong et but de Stefano Okaka, l'international italien, son 8e but cette saison. Bruges, Anderlecht, après 8 minutes, 0-1. Merci beaucoup Thierry. À tout moment, dès qu'il y a un but, dès qu'il y a une action, tu reviens dans ce studio pour qu'on suive ce match ensemble cet après-midi. Viva for Life, la musique a du cœur. Chaque jour, les hommes semblent plus sourds à tous les mots de l'amour. On envoie des vœux au ciel, qu'une fleur nouvelle vienne éclore de nulle part, comme un espoir. Comme un heureux présage. for Life. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the song was played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. Qui rentre dans cette cagnotte Vive for Life grâce à Marianne de Sprimont. Marianne, elle a demandé d'écouter Madonna, La Isla Bonita. Excellent choix. Il y a des motards qui sont arrivés ici sur la place de la Digue à la boîte aux lettres. Bonjour, comment ça va? Vous nous entendez? Il y a de l'argent qui arrive. Bonjour, c'est quoi votre nom de groupe de motards? Ah, apparemment, on n'entend pas du tout. La boîte aux lettres est coupée à l'extérieur. Est-ce que la régie peut remettre le son? Test 1, 2. Est-ce que vous nous entendez? Je dois parler plus fort! Attendez, je vais venir chez vous. Ce sera plus simple, on va faire ça comme ça. Ah! Alors, c'est quoi votre nom de groupe de motards? Le Bruxelles Chapter. Ah, et alors vous avez fait quoi? Vous avez rapporté de la Nous avons fait une soirée country music et une soirée spaghetti. Et nous avons récolté une belle enveloppe pour vous autres, voilà. Eh ben merci beaucoup, vous pouvez la mettre dedans. Il y a combien? Vous avez compté? Il y a plus ou moins 420 euros, 450 euros. Ah bah super, merci beaucoup. Voilà. Vous êtes super. Voilà. Et en plus, il faut faire du sport dans cette émission. Dans un instant, on va faire un point avec Madame Cause, qui nous a rejoint dans le studio. Ce sera juste après ça. Chez Cora, c'est tous les jours dimanche. Surtout le dimanche 20 décembre. Bah oui, puisque nous sommes ouverts. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Proximus présente Storygram. Qu'est-ce que tu vas faire pour Viva for Life cette année? Je vais envoyer une dinde. Une dinde? Ouais. Ah, ou deux. Deux dindes? Mm-hmm. Dis donc. Et les timbres, tu vas les coller où? Pour vos vœux de fin d'année, envoyez gratuitement une dinde via l'app Storygram et soutenez Viva for Life. Téléchargez maintenant l'app. Proximus. Infiniment proche. Crespin Tiller, votre meilleur choix au meilleur prix garanti. Vos cadeaux, outillages et électroménagers, c'est Crespin. Vos fêtes commencent déjà dans le magasin. Un accueil, un service, c'est Crespin Tiller. Soutenez Viva for Life au 0800 30 007. Madame Cause est là, comment ça va Bénédicte? Mais ça va bien, et vous Cyril? Ben, ça va plutôt pas mal, vraiment, vraiment, 4 heures de sommeil, je suis au top de ma forme, tout va bien. Magnifique. On va partir du côté de Bruxelles pour parler de la cause Viva for Life. Effectivement, avec un zoom sur la source, et nous avons par téléphone Floriane Philippe, qui est la directrice de cette association. La source aide les personnes sans logement ou fortement précarisées par l'intermédiaire de deux structures. Bonjour Floriane. Bonjour. Alors expliquez-nous justement ces deux structures. Donc nous avons une maison d'accueil qui accueille des hommes seuls, des couples et des familles sans abri. Et nous avons un restaurant social, service d'accueil de jour, qui lui est ouvert en journée, donc c'est pas du résidentiel, et qui accueille toute personne qui a besoin d'avoir un endroit où se poser en journée, déposer ses bagages, avoir un accueil bienveillant et chaleureux et bénéficier d'un endroit sécurisé. Alors vous avez mis en place aussi un dispositif d'accueil et de prise en charge pour les enfants âgés de 2 ans à 12 ans tous les jours. Quel est un petit peu l'objectif de ce dispositif ? Alors en fait, depuis quelques hivers, nous accueillons énormément de familles. Des familles qui sont dans des situations administratives très compliquées, demandes d'asile, migration intra-européenne, population rome. Voilà, donc avec des enfants évidemment qui accompagnent ces familles, des enfants qui sont pas scolarisés, déscolarisés, qui parlent peu ou pas français. Et donc pour pouvoir les accueillir dignement et leur donner ce dont un enfant a besoin, nous avons mis en place une structure qui est ouverte 7 jours sur 7, de 10h à 10h30. L'idée, c'est tout d'abord de pouvoir donner à manger à ces enfants qui sont très fortement dénutris. Donc, ils ont droit à un petit déjeuner, à un repas de midi chaud avec pain, soupe, fromage, etc., un goûter. Deuxièmement, c'est la possibilité pour eux de pouvoir faire la sieste, parce que c'est extrêmement important pour des enfants tout jeunes d'avoir des temps de repos. C'est très important pour leur apprentissage et surtout qu'en plus, ils dorment très mal la nuit vu leurs conditions d'errance, on squatte dans les centres d'accueil d'urgence. Donc, ils peuvent faire la sieste. Et troisièmement, pour eux, c'est un espace d'expression avec des mots, avec des images pour qu'ils puissent exprimer leur vécu et que voilà, ils puissent venir déposer chez nous ce qu'ils vivent au quotidien, leur vécu quand même déjà assez traumatique, même s'ils sont tout petits. Tout petits, effectivement. Et donc, vous avez été financé par Viva for Life l'année passée. Vous avez pu réaliser des choses très importantes. Quelles sont ces choses importantes? Et donc, en fait, traditionnellement, ce projet est subventionné uniquement dans le cadre du dispositif hivernal. Et donc, dès que celui-ci s'arrête le 31 mars, les subsides qui sont liés à ce projet s'arrêtent. Et nous perdons la possibilité d'offrir à cet enfant cet espace alors que les enfants, eux, continuent à être présents chez nous. Donc, grâce à Viva for Life, en 2015, nous avons pu faire perdurer cette structure du 1er avril jusqu'au 31 octobre. C'est extrêmement important parce que les enfants qu'on accueille chez nous sont des enfants qui ont eu un passé fait de chaos, de rupture, d'errance. Et donc, pouvoir leur garantir une stabilité, une permanence dans tout au long de l'année, ouais, ben voilà, c'est vraiment très important pour eux. Merci Floriane pour votre témoignage. Un enfant, un petit bout qui commence la vie dans de telles circonstances, Cyril, c'est pas normal. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc il faut appeler le call center 0800 30 05 07. Les bénévoles sont là au call center NLO et attendent vos appels. On a besoin de vous. Soyez certains que votre geste fera la différence. C'est vrai, en quelques secondes, ils sont super sympas au call center. On les remercie d'ailleurs parce qu'ils sont nombreux, les bénévoles, à décrocher quand vous appelez 0800 30 05 07. On compte sur vous. Merci Bénédicte. Merci à tout à l'heure. On va écouter Muse, Night of Sidonia tout de suite, qui a été demandé au 0800 30 007. Et puis on passe à la boîte aux lettres rapidement. Vous avez un beau chèque à nous remettre. Quel est votre prénom, madame? Bonjour, je m'appelle Véronique. Véronique, le chèque, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, on a créé une ASBL sur Moucron qui s'appelle l'ASBL Les Petits Jeunes. Et en fait, c'est la même cause que la vôtre. On aide les enfants de 0 à 6 ans qui vivent dans la précarité. Oui. On a fait plusieurs activités et on a décidé de vous donner une partie de nos bénéfices. Donc, on vous rapporte un chèque de 350 euros. Merci beaucoup. Vraiment, c'est super sympa. Vous pouvez mettre le chèque dans la boîte aux lettres. On vous remercie, vous et toute votre équipe. Et comment tu t'appelles? Parle dans le micro. Maxime. Maxime, toi aussi, tu viens avec un don. Tu vas mettre combien dans la boîte à dons? C'est pas un don, c'est un dessin. C'est un dessin, c'est super gentil. Je viens les chercher et puis on va aller afficher tout ça dans le studio de verre. Merci Maxime, des bisous. Bon après-midi, voici Muse. Vous écoutez Viva for Life en direct pendant encore 76h19 et on compte sur vous pour faire vos dons 0830 007 pour acheter les goodies. Viva for Life aussi, il y a notre magnifique Teddy, le sac à dos, le casque audio, les bonnets de Noël, le pins. N'hésitez pas, que vous soyez chez vous sur vivaforlife.be ou ici dans la région de Charleroi, venez au chalet de la place de la Digue pour acheter tout ça. Et Benjamin a besoin de vous aussi cet après-midi, puisque Benjamin va comme tous les jours réaliser un défi dans le Viva for Life Tour. Benjamin, vous êtes à Libramont aujourd'hui, comment ça se passe? Oh, quel look vous avez à suivre sur le Live Center rtbf.be. Vous avez des lunettes de soleil et un magnifique bonnet de Noël Viva for Life, Benjamin. Oui, j'ai adopté un petit look de Noël parce qu'on est là aussi en période de Noël. Alors, c'est je suis vrai. En ce moment dans la voiture avec l'équipe du Viva for Life Tour, juste à côté du Lake à Libramont, donc du grand hall des expositions. On a été chercher un matelas, voilà pourquoi il y a un matelas qui est tout plié dans la voiture. On va vite le décharger parce que c'est un vieux matelas qui va nous servir à amortir les chutes tout à l'heure, puisque nous organisons à 18h le 40 mètres steeple, n'importe nawak, dans le hall des exhibitions. Donc nous vous attendons en short, vous venez en short et vous inscrirez à cette course. Nous sommes maintenant sûrs que nous allons passer dans des cochons et des poules, nous allons escalader le bar, franchir une forêt canadienne et sans doute un mur de feu que nous sommes en train d'installer. Ah oui, alors qu'est-ce qui nous manque en ce moment, Cyril, pour tout vous dire? Ce sont des troncs d'arbres. On a été sonné à 2-3 portes dans Libramont pour essayer d'avoir des troncs, quelque chose d'un peu forestier pour faire des massifs et des obstacles, mais on n'en a pas trouvé. Donc, à ce stade, vous préparez votre short et votre tenue de sport, ou vous nous aidez à installer un obstacle supplémentaire, c'est-à-dire des troncs d'arbres. Un seul numéro de téléphone pour aider le Viva for Life Tour, et c'est le numéro de téléphone que je vais vous montrer maintenant. Ce téléphone est dans notre voiture, nous l'avons en permanence à proximité. N'appelez que si vous pouvez nous aider, bien sûr, ce sera beaucoup plus facile. Et on vous attend tout à l'heure dans une épreuve qui sera digne du Mémorial Van Damme. On a hâte de voir ça. Déjà hier, la bataille d'oreiller, c'était mémorable. Alors là, ce soir, on a hâte, ce sera à suivre entre 18h30 et 19h20 dans le live télé, le résumé de la journée, les best-of, avec Adrien de Viver et Anne-Laure Mac en direct du Cube et de la place de la Digue. Et si vous avez de quoi aider Benjamin et l'équipe du Viva for Life Tour, 0472 724 704, c'est le numéro de téléphone à appeler uniquement si vous avez l'occasion d'aider, évidemment. Donc on recherche entre autres des troncs d'arbres. Si vous avez un bout de bois qui traîne à la maison, c'est l'occasion. Merci beaucoup. Benjamin, on refait un point avec vous un petit peu plus tard. À tout à l'heure. 0830 007, vous choisissez la musique juste après 15h. Nouveau titre, nouveau don. Grâce à vous, on va faire grimper ce compteur. 0830 007, vous appelez ce numéro, toute l'équipe vous attend au call center Enalo à Gosselies. On va juste faire une toute petite pause, le temps de faire un point sur la météo qui est très belle, en tout cas aujourd'hui sur Charleroi. On va retrouver Pierre Collard-Bovy, et puis juste après les infos de 15h, on repart pour une nouvelle heure de folie dans ce cube de verre. Avec la banque CPH, prenez le temps de la météo. Banque CPH.be. La météo, Pierre Collard-Bovy. Cet après-midi, comme prévu, les nuages gagnent progressivement du terrain, mais ils ne seront pas compacts et pourront toujours, toutefois, laisser échapper quelques rayons de soleil. Les températures seront encore bien douces pour la saison, avec 10 degrés sur les reliefs et 12 à 14 degrés ailleurs. En fin de journée, quelques gouttes pourront s'inviter sous un ciel devenu couvert sur l'ouest. En seconde partie de nuit, la couverture nuageuse sera plus dense à l'est du royaume, avec toujours des petites pluies localisées possibles. À l'arrière, le ciel deviendra plus variable. Les minima pour cette nuit, 6 à 9 degrés. Ce soir, dans le cube en verre de Viva for Life, c'est soirée vinyle. Pour retrouver le son de votre jeunesse ou celle de vos parents, faites un don sur vivaforlife.be. Et dès 22h, sortez votre costume à paillettes et grimpez sur le dance floor. Avec Sarah et les animateurs de la RTBF. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Avec la banque CPH, prenez le temps de la météo. Banque CPH.be. Au domaine de Senef, découvrez l'exposition Les plaisirs des jardins au XVIIIe siècle. Tous les plaisirs sont dans la nature des jardins au siècle des Lumières. Venez les glaner jusqu'au 6 novembre 2016. Info châteaudesenef.be. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, Le Soir et La Nouvelle Gazette. côté Vivacité, il est 15h. Le journal est présenté par Natacha Stragier. Bonjour, le syndicat autonome des conducteurs de train a décidé de soutenir le préavis de grève déposé par la CSC Transcom et la CGSP. Non reconnu, le SACT affirme représenter un tiers des 3800 conducteurs de train. Pour lui, une partie des mesures prises par la direction de la SNCB et le gouvernement mettent en péril la sécurité des cheminots et des conducteurs en particulier, ainsi que par voie de conséquence celle des voyageurs. Les préavis couvrent les 6, 7, 21, 22 et 23. 3 janvier prochain. La ministre de la Mobilité, Jacqueline Galland, compte, elle, sur un retour à la table des négociations serein demain. La secrétaire générale de la CGSP a pour sa part déclaré dans l'émission flamande de Zeven de Dach qu'il faudrait un bon plan des médiateurs sociaux pour que le dialogue reprenne. Une fausse bombe serait à l'origine de l'atterrissage d'urgence d'un Boeing d'Air France qui assurait la liaison entre l'île Maurice et Paris. L'avion s'est posé à Mombasa. Selon le chef de la police kényane, c'est l'équipage qui a donné l'alerte, qui a signalé au commandant la présence d'un objet suspect dans les toilettes. D'après Radio France, il s'agirait d'une bombe factice qui aurait été constituée à partir de plusieurs objets répartis dans des petits sacs portés par deux personnes de la même famille qui étaient montées à bord de l'avion. Elles ont été interpellées. Air France va envoyer sur place du personnel spécialisé en sécurité. Les fouilles vont être renforcées à partir de l'île Maurice pour les prochains vols. Les passagers devraient repartir en fin de journée. En Thaïlande, 12 touristes malaisiens et un guide ont été tués dans un accident d'autocar. Le véhicule est sorti de la route dans le nord du pays et s'est arrêté dans la végétation en contrebas. Cela s'est passé à une trentaine de kilomètres de Chiang Mai. Les accidents de la route meurtriers sont fréquents en Thaïlande. Chez nous, en sport, en football, club de Bruges-Anderlecht, c'est l'affiche de cette 20e journée de championnat et pour l'instant c'est 0-1. À 18h, le Standard se déplacera à Ostende et à 20h, la Dantoise recevra Courtrai en match de clôture. C'est la fin de ces infos. On va retrouver Cyril tout de suite. Pour STBF Mobile Info, tout de suite, Pierre Collard-Bovis. Oui, Cyril, avec un calme plat sur nos routes et autoroutes, tant mieux. Juste un petit objet encombrant, peut-être sur le 42 Mons-Liège, à hauteur de Houdin. C'est au kilomètre 100.9 en direction de Liège. C'est entre les deux bandes de circulation, il y a une bâche. Donc, soyez bien attentif, 42 Mons-Liège, à hauteur de Houdin, une bâche en direction de Liège qui pourrait vous gêner. Encore des embûches sur la route? Heureusement qu'il y a des bûches de Noël au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Des centaines d'idées cadeaux à moins de 50 euros en électro et ustensiles de cuisine? C'est chez Kitchen Market et c'est ouvert dimanche. Des idées plein la cuisine. Viva for Life avec Cyril. 24h sur 24 avec Sarah Depadua et Sébastien Nolvaux. On se relaie pour soutenir les 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin de vos dons, de votre mobilisation. Vous êtes déjà super nombreux à avoir donné, mais on veut encore plus. On veut vraiment, c'est notre objectif à tous les trois, dépasser les 2 100 000 euros de l'année dernière et sans vous, on peut pas le faire. 0800 30 007 pour faire vos dons, pour choisir la musique. Et je voudrais juste faire un petit mot pour Valentin qui est passé à la boîte aux lettres il y a quelques minutes avec des enfants de son village de Han-sur-Semois. Ils ont vendu des desserts et ils ont récolté plus de 300 euros qui ont été mis dans la boîte à dons. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous qui vous mobilisez pour Viva for Life. La musique revient dans un petit instant, mais juste avant, il y a du point foot, Thierry. Eh oui, puisque c'est Bruges-Anderlecht cet après-midi, on le rappelle. Le topper après 32 minutes, toujours 0-1 pour le Sporting bruxellois qui a trouvé l'ouverture très vite dans ce match par Okaka après 6 minutes. C'est un match sous haute tension. Hein. Il y a beaucoup d'engagement, ouais. Beaucoup de nervosité. L'arbitre, notre arbitre numéro 1, M. Gumieni a fort affaire. Il a déjà sorti 4 cartons jaunes, 2 par camp, c'est assez paritaire et équitable. Pour Prat et De Skak d'un côté, Simons et Izquierdo de l'autre. Bruges a une très grosse occasion par Vossen, bel arrêt de Silvio Proto. Et puis alors il y a une phase qui est dite litigieuse, dont on va reparler à mon avis demain dans la tribune avec Marcel Javot. Intervention de Skak, un petit peu limite là sur Vossen, mais on n'a pas sifflé le pénalty. Évidemment, un succès pour Anderlecht, ce serait très important cet après-midi parce qu'on disait le Sporting un petit peu en crisette. Ouais. Le match est loin d'être terminé, bien évidemment. Bon, on suivra ça avec vous Thierry tout au long de cet après-midi. Thierry, grand fan de Johnny. Ah ça, je ne peux plus le cacher. Alors, il y a Chantal de Sainte qui a donné 40 euros pour pouvoir écouter un titre de Johnny. Elle a très bon goût et elle est très généreuse. Allumez le feu. Allons-y. Tu restes avec nous et tu le chantes avec nous. Alors on va essayer. Allez, bon, c'est ça. Dans quelques secondes, Thierry Luters en direct depuis le Cube, Viva for Life. Ce soir, à propos de direct, sur la scène, ici, place de la Digue, il va y avoir du beau monde. Broken Back en showcase sur le podium de la place de la Digue. Il y aura également ce soir Roberto Bellarossa. Si vous venez ce soir ici à Charleroi sur la place de la Digue, vous pourrez aussi applaudir Jane. J'allie aussi ce soir sur la scène de la place de la Digue. On compte sur vous pour venir nous voir. Et en attendant, si vous êtes chez vous, si vous êtes dans la voiture, si vous êtes au travail, quoi que vous fassiez en ce dimanche après-midi, 0800 30 007, on compte sur vous. Viva for Life. Thierry, on se chauffe la voix ? Oui. Oh, un duo, Johnny Hallyday, Thierry Luters, grâce à Chantal qui a demandé d'écouter Allumer le feu. Sur ça un texte être... de Pascal Obispo et de Zazie. Ça va, Zazie, notre marraine, elle fait les choses bien, marraine, vraiment. Vous êtes prêts ? Comme je ne l'ai jamais été. Parfait. C'est impressionnant. N'hésitez pas à venir voir le showcase de Thierry Luters sur le Live Center rtbf.be. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares, le bruit des motos qui démarrent. Là, c'est pour vous la deuxième voix. D'une étincelle, un drame d'amour, pour allumer le feu, et faire danser la diable et dans les yeux, mais les yeux aussi. La flamme de nos yeux. Allumez le feu. À tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est Chantal qui a demandé d'écouter Johnny Hallyday allumer le feu. Chantal est là au téléphone. Bonjour Chantal. Bonjour Cyril. Tu vas bien? Bah, ça va super et vous Chantal? Ça va bien. T'es en pleine forme? Bah oui, presque. La pêche. Oui, alors Chantal, je sais pas si le haut-parleur est activé sur votre téléphone. Rapprochez-vous du micro qu'on vous entende bien. Voilà. Vous êtes de quelle région? Le haut-parleur. Ah ben voilà, c'est ça. Il faut pas mettre le haut-parleur. Parfait, comme ça on vous entend super bien, Chantal. Chantal, une grande fan de Johnny Hallyday. Voilà, je vous écoute. Eh ben, vous êtes une fan de Johnny apparemment alors. Voilà, je m'en vais un peu plus loin de la. Oui, c'est une fan de Johnny. Partez plus loin, mais pas du téléphone, hein, parce que plus vous irez loin, moins on vous entendra. Chantal, vous m'entendez? On peut parler ensemble? Oui, je vous entends. Chantal, grande fan de Johnny Hallyday. Ah oui, ça tombe on bien. On l'a vu, on l'a vu en direct. Il est avec nous. J'adore Luther qui a chanté. C'est gentil, merci beaucoup. C'est cool. Un petit mot d'encouragement pour Thierry Luther, ceux qui adorent Johnny Hallyday aussi. Vous avez la même chose, hein. Il est en pleine forme, le gars. Ben oui. Alors, Chantal, vous savez que Thierry est fan de Johnny, mais de foot aussi. Il y a un match avec, entre autres, Anderlecht cet après-midi. Oui, et ça vient. Pour parce le que... standard, moi. Ah, voilà. Ah, mais le standard jouera à 18h à Ostende, mais on fait les fous, on chante, etc. Ce qui est pour la bonne cause, hein, il est vrai. Oui. Mais entre-temps, Anderlecht a marqué un deuxième but. Donc, c'est 0-2. C'est pas vrai. En fait, c'est 0-2 pour Anderlecht. Un but de Denis Pratt à la 35e. Mais oui, Anderlecht répond présent. Je rappelle que jusqu'à présent, Bruges n'avait rien perdu à la maison et fait le maximum de points. Oui. Pour l'instant, ça s'annonce mal pour les gazelles brugeoises. Moi, j'ai un souci dans la famille, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, Chantal? C'est que mon mari, c'est Bruges. Oui. Et vous, c'est le standard. Et moi, je suis standard. Alors, vous battez parfois? Bah, attends, comment il y a... Ça fight un peu quoi. Et je pense qu'il se jette le téléphone à la tête. C'est pour ça qu'on n'entend pas toujours bien Chantal. Et alors le téléphone pleure. Ah bah hey, voilà, joli. Thierry. J'adore Johnny. Chantal, ça vous dirait pas de commenter un match? Parce que je vous sens très très très chaude sur le foot. Est-ce qu'on ferait pas tout à l'heure un petit commentaire d'une phase de jeu? Thierry, Chantal, vous êtes pour qui là? Pour les petits diables. Pour les petits diables, d'accord. Oui. Bah, c'est très gentil, Chantal. Justement, les diables à l'Euro, vous en pensez quoi, tiens, du tirage au sort qui a eu lieu il y a quelques jours? Vous étiez à Paris, vous, Thierry. Ah, ça absolument. Va être dur, hein. Vous croyez que ça va être dur? Non. Ah. Oh, Chantal. Oh, l'Italie est belle, ça va être dur, hein. On a une chance, quand même. Oui, on a une grosse chance. On va jouer l'Italie pour être tout de suite dans le bain en premier match. Après, ça devrait passer. Moi, si on ne va pas en demi-finale, je serais déçu. Voilà mon pronostic. Ah, ouais, moi aussi. Bah, merci Chantal. Chantal, venez comme consultante. Mais oui. Chantal, ce qu'on va faire, c'est je vais demander à la régie qu'on récupère votre numéro de téléphone. Prochain point sur le match Bruges-Anderlecht. On vous a de nouveau téléphone et vous commentez avec Thierry, d'accord? Oh là là, je vous envoie mon mari alors. Eh bah, ben pas de problème, on va avoir toute la famille de Chantal pour nous commenter les matchs de foot cet après-midi. À tout à l'heure, Chantal alors. À tantôt. Oui, bisous Chantal. Bon après-midi. À tout à l'heure, Thierry. On continue. En musique, Viva for Life, c'est ça aussi. Vous partagez la musique qui a du cœur en faisant vos dons 0830 007. Et c'est Véronique de Jean Blou qui voulait écouter Emmanuel Moir, Beau Malheur. C'est 50 euros de plus dans la cagnotte. Merci. Je me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment. Qu'un beau jour, c'est une impasse. Et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent. Que tout refait surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré. Que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Ce que je sais par cœur. Beau malheur. Tu me dis que rien n'efface, ni la craie ni le sang. Qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans. Qu'on peut dire trois fois hélas, que personne ne l'entend. comme personne ne remplace, qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement, qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd, mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants, que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc, que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps, que c'est comme un sortilège d'être seul à présent. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, pour être rassuré. Bien avant d'être apaisé, il m'a fallu la peur pour être rassuré, et j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, et j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Emmanuel Moire, Beau Malheur dans Viva for Life. 0830 007, vous choisissez la musique que vous avez envie d'écouter. Et alors ce soir, je pense qu'on va bien se marrer, parce que tout à l'heure dès 22h, il y aura une soirée un peu particulière avec toutes les radios de la RTBF qui seront réunies. On accueillera l'équipe de Vivacité, évidemment, il y aura l'équipe de Classique 21, Pure FM, la première, Musique 3 aussi. Et on va faire un truc un peu particulier, c'est-à-dire que chaque animateur va venir avec son premier 45 tours. On va ressortir des vieux souvenirs. Il y aura peut-être ce soir du coup Edith Piaf. Il y a des chances que ce soit l'équipe de la première qui nous apporte du Edith Piaf. Et il y aura peut-être aussi du Georges Brassens. Personne en écoutant pas le clairon qui sonne. Ce soir, avec toute l'équipe des radios de la RTBF, peut-être Eddy Mitchell. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez appeler maintenant le 0830 007 pour déjà choisir les musiques de ce soir. Donc, si vous avez un morceau qui vous a marqué quand vous étiez jeune, ou même il n'y a pas super longtemps, mais un morceau que vous avez vraiment envie d'écouter, un souvenir en particulier qui signifie quelque chose pour vous, 0830 007, vous faites un petit don, et puis ce soir on repasse tous ces morceaux là et si vous avez même quelque chose sur 45 tours et que vous êtes dans la région de Charleroi, bah vous pouvez passer nous voir. Peut-être que vous avez celui-là à la maison, vous avez envie qu'on le passe. Allez, ce soir, soirée souvenir avec toutes les équipes de la radio, de toutes les radios de la RTBF, et avec vous aussi, avec vos dons et vos sélections de chansons dès maintenant, 0800 30 007. Et quand vous appelez ce numéro de téléphone, vous arrivez au call center Enalo, à Gosselies, où se trouve Jean-Marc Dessert en ce moment. Comment ça se passe, Jean-Marc ? Ça se passe super bien, Cyril. Ici, les bénévoles sont hyper motivés, ils sont en forme, ils ont le sourire comme d'habitude, et à mes côtés, j'ai Nicolas. Ah, on a perdu la liaison avec Jean-Marc. On va le rappeler dans quelques petites secondes. On fait une mini pause et on revient en direct pour la suite de ces 75h54 qui restent encore à passer dans le cube de verre à Charleroi. Gardez une coiffure de mannequin avec le tout nouveau Gouffre. Un volume de star, des cheveux forts et soyeux, c'est possible grâce à la fonction thermostat du Gouffre. Offrez-vous vite le Gouffre. Votre look n'attend pas. Nous transformons votre vieux sèche-cheveux en nouveau gaufrier. Mais pour cela, il vous faut d'abord le déposer au magasin ou au parc à conteneurs. Découvrez tout à propos de votre petit électro sur recupel.be. Recupel, pour un environnement de qualité, recyclons. Viva for Life. Salut, c'est Louane. Nous sommes les Innocents. C'est Marie Warnon. Nous sommes Laura Pausini. Faites comme nous. Faites un don. Soutenez Viva for Life. La musique a du cœur. Alors partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Ores soutient Viva for Life. C'est un anniversaire éclatant pour la ville de Liège. Voici 11 ans, s'ouvrait chez Sélection au passage Le Mounier la superbe boutique Swarovski, le magicien du cristal. Swarovski, ce sont des bijoux, des montres et bien sûr de merveilleux sujets de cristal. Swarovski, c'est mille et une idées de cadeaux scintillants à ne pas manquer chez Sélection. Passage Le Mounier au cœur de Liège. Chérie, non, arrête ça tout de suite. C'est super bon, excellent. C'est pareil tous les dimanches. Non, repose-le maintenant. Encore une page, allez, juste une. Cet dimanche, votre journal riche en infos croustillantes, actu, people, résultats sportifs et tous les bons plans évasion du dimanche. Gratuit en boulangerie et commerce de proximité. Cet dimanche, le journal qui se dévore. Liquidation totale avant déménagement chez Timistère à Herve. Moins 30% sur toute la collection hommes et moins 40% pour les femmes. Dépêchez-vous. Ouverture les dimanches 27 décembre et 3 janvier. Timistère, Outrecours à Herve. Pas à Bruxelles acheter mes nouvelles chaussures. Ah, et pourquoi pas près de chez nous? On va quand même pas faire tous les magasins de chaussures du coin pour savoir s'ils les ont. Je cherche sur localizy.com. J'ai trouvé 4 magasins tout près de chez nous les proposent. Et en plus, chez l'un d'eux, elles sont en promo. Le commerce autrement. localizy.com. localizy.com. Viva for life. Jusqu'à 18h avec Cyril. Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Une fois là-bas dans le lointain, les neiges du Kilimandjaro. Jean-Luc de Hattine a demandé de ressortir ce souvenir Pascal Daniel, les neiges du Kilimandjaro. Et grâce à cette demande, on ajoute 20 euros dans la cagnotte Viva for Life. Alors, on vous le répète depuis de nombreuses heures maintenant, depuis qu'on est rentré jeudi soir, il faut vous mobiliser. Il faut appeler le 0800 30 007. Il y a toute une équipe qui vous attend de l'autre côté du téléphone pour récolter vos dons. Et ces dons vont aider des enfants, 80 000 enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. C'est hyper important de les soutenir, ces enfants. C'est des enfants qui parfois ne vont pas pouvoir manger correctement. C'est des enfants qui ne vont pas pouvoir aller à l'école. Vous le savez, quand vous avez des enfants, il faut participer financièrement à des activités scolaires. C'est hyper important et ça paraît peut-être normal pour beaucoup de familles parce qu'on met quelques euros et puis les enfants continuent à aller en groupe et font une activité ensemble. Mais imaginez le cas où une famille doit calculer les moindres centimes. Bah, c'est une dépense qui n'est pas possible. C'est un enfant qui est exclu socialement et vous imaginez le désastre que ça peut être plus tard. Et c'est un enfant qui ne grandira pas bien. On compte sur vous pour que ça n'existe plus. On compte sur vous pour vous mobiliser avec nous et faire des dons. 0800 30 007, vous arrivez au call center Enalo où se trouve en ce moment Jean-Marc Dessert. On va retenter de l'avoir en connexion puisque tout à l'heure ça a bugué. Jean-Marc, probablement parce qu'il y a énormément d'appels, ça sature les lignes, c'est ça ? Effectivement, ça sature les lignes. Mais nous sommes de retour enfin avec à mes côtés, je vous le disais, Nicolas. Rebonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes bénévole. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir ici décrocher le téléphone durant ces 6 jours ? Ben, d'une part, je travaille aussi dans le secteur socio-pédagogique. Donc, je me rends compte qu'il y a énormément de difficultés pour certains enfants. Et je trouve que c'est important. Et ce que je suis content, c'est de voir que beaucoup d'enfants prennent conscience qu'il y a énormément, et surtout un gros fossé qui est en train de se creuser, entre les enfants en difficulté, dans la précarité, et ceux qui ont la chance d'avoir. Alors, vous êtes ici depuis quelques heures déjà, depuis ce matin, je pense, c'est le premier jour pour vous ici. Déjà avant. Comment ça s'est passé jusqu'à présent ? Est-ce qu'il y a des histoires particulières ? Ben, il y a des histoires qui sont très chouettes, dans la mesure où on a des enfants qui cassent leur tirelire, pour donner un petit peu d'argent. Des parents qui se cotisent avec les enfants, qui ont fait une tirelire depuis l'année passée, depuis le Viva for Life de l'année passée. Et à une semaine de Viva for Life, ils ont compté. Et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois avec des sommes de 36 euros, 12, 36 euros, 13, 66 euros, 45, par exemple. Voilà, donc toutes les sommes sont très, très importantes. Sans vous, on ne pourra pas y arriver. Je rappelle le numéro, hein, 0800 30 007. Et vous arrivez directement ici auprès de nos standardistes, des bénévoles. Mais justement, Jean-Marc, vous parlez des standardistes, des bénévoles qui sont autour de vous. On va faire ce que tout le monde devrait faire. Appeler en direct depuis ce cube le 0800 30 007. Comme ça, on vous montre que ça prend quelques secondes. D'accord. Et on va voir sur qui on va tomber. Et vous allez voir que c'est une équipe qui est au top, qui répond au téléphone. Bienvenue à Viva for Life. Merci, madame. Nous vous remercions pour votre appel. Vous serez très rapidement en contact avec un bénévole pour effectuer votre don. Parfait. Vous pouvez déjà préparer votre numéro de compte. Nous vous rappelons que pour tout don de 40 euros, ça c'est important, écoutez bien. Vous bénéficierez d'une attestation fiscale. Et ce qui vous permet de récupérer, de retoucher par exemple, vous donnez 40 euros, vous en récupérez 18. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Cyril, en direct du Cube. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. C'est quoi votre prénom ? Laetitia. Laetitia, merci de décrocher le téléphone. Vous êtes au call center depuis combien de temps, là ? Depuis midi et demi. D'accord. Et il y a du monde qui appelle, ça va ? Les lignes sonnent ? Les lignes sonnent, mais elles pourraient encore sonner beaucoup plus. On est là, on vous attend. Alors, Laetitia, on compte sur vous pour récolter des dons. Et alors, on compte sur tous les téléspectateurs, tous les auditeurs et les internautes pour appeler au call center 0800 30 007. Bonjour, c'est qui ? Jean-Marc. Ah ben, avec le téléphone, j'avais pas reconnu la voix. Vous êtes partout, Jean-Marc. Ça va, oui. Laetitia fait bien son travail, tout va bien. Tout à fait, oui, elle est charmante. Ouais, mais vous êtes bien. De tous les côtés, Jean-Marc. Oui, absolument. Bon, absolument. Ben, merci Laetitia, on vous fait des bisous. On va pas vous bloquer plus longtemps au téléphone, puisqu'on a besoin des lignes pour que vous puissiez faire vos dons. 0800 30 007, un énorme merci à tous les bénévoles qui sont mobilisés au call center Enalo à Gosselies. Vous avez vu, ça va super vite, quelques secondes, et vous avez tout de suite une charmante personne qui répond au téléphone. 0800 30 007, on compte sur vous pour choisir la musique comme l'a fait Sophie de Rebec qui a donné 40 euros pour écouter Bon Jovi. Voici It's My Life. Sing a song for the broken hearted. When I shout it out loud, My Life de Bon Jovi sur Vivacité, c'est Viva for Life avec les musiques que vous choisissez. On est maître de rien, c'est vous qui choisissez la programmation et qui en même temps aidez tous les enfants qui en ont besoin à Bruxelles et en Wallonie. Un numéro de téléphone à retenir, le 0800 30 007. Et alors autour de ce cube de verre, énormément d'animations sur la place de la Digue ici à Charleroi. Et entre autres un kicker géant. Alors depuis tout à l'heure, des équipes d'auditeurs s'affrontaient et l'équipe qui a remporté la première partie du tournoi, c'est les héros du kicker qui sont en train de jouer face aux zèbres de Charleroi, face aux joueurs du Sporting de Charleroi qui ont tout à l'heure apporté un chèque de 10 000 euros. En ce moment, petit point sur le match, on est à 3 buts partout. Alors les zèbres étaient hyper généreux financièrement tout à l'heure, mais sur le score aussi, puisqu'ils se faisaient jusqu'à il y a quelques secondes mener 3-1. Alors pour le moment là, ils sont en train de remonter au score 4-3 et c'est donc les héros du kicker qui pour le moment sont devant. Sale période pour les zèbres, on a envie de dire après la défaite d'hier, mais ils sont en forme ici ce soir et ils s'amusent et ils vont a priori faire un petit coucou dans le cube dans quelques minutes. On pourra débriefer ce match qui est en train de se dérouler en direct sur la place de la Digue ici à Charleroi. Je vous tiens au courant du score dans un petit instant, juste le temps de faire une pause, et on revient avec Zazie, rue de la paix choisie par Isabelle et qui ajoute 40 euros à la cagnotte Viva for Life. Merci Isabelle. Viva for Life avec nos partenaires. L'agriculture de Wallonie soutient Viva for Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva for Life. Les plus grands artistes de 2015 se mobilisent pour Viva for Life. Christine and the Queens offre le disque de platine de son album Chaleur humaine aux enchères pour Viva for Life. Vous aimez Christine and the Queens? Faites vite, cette enchère s'achève aujourd'hui. Toutes les enchères au profit de Viva for Life sont sur vivaforlife.be. Salut Sarah, c'est Sylvie Honoré. Allez, tu fais ça comme une grande, on est tous derrière toi, bravo. Vivacité présente Viva for Life volume 3. La double compilation avec toute la musique de Vivacité. Ed Sheeran, Pascal Obispo, Marina Kaye, Milky Chance, Loïc Notet, Sia, Frérot de la Vega. Viva for Life volume 3. 40 titres, la compilation qui a du cœur. Au profit de Viva for Life. En vente partout et sur la boutique RTBF. I'm gonna get that rhythm back. Viva for Life. Salut, c'est Alice Sandelou. Salut à tous, c'est Thomas Dutronc. Salut, c'est Vianney. Faites comme nous. Soutenez Viva for Life. Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. Belfius et Viva for Life, 100% d'engagement pour les enfants. Belfius, banque et assurance. Viva for Life, la musique a du cœur. Je vends mon moto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douceur. Je sauve ma peau, vends mon âme au diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène ne vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles et vends la maison. Château en Marraine qui viendra nous sortir du cube mercredi. Ce sera à suivre en direct sur la Une en télé. Et Showcase de Marraine Zazie aussi sur la place de la Digue mercredi soir. C'est un don qui rentre encore dans cette cagnotte Viva for Life. Un don de 40 euros grâce à Isabelle de Braine-l'Alleud. Petit point sur le match qui est en train de se dérouler ici sur la place de la Digue à Charleroi. Isabelle, est-ce que vous avez déjà fait du kicker géant? Puisque vous êtes au téléphone, Isabelle. Non, ça vous n'avez jamais fait. Le foot, c'est un peu votre truc ou pas? Mon fils, oui, moi un peu moins, mais bon, voilà. Comment il s'appelle le fiston? C'est quoi le prénom du fils? Alexandre, il y a tout de suite moi d'ailleurs. Alexandre, d'accord. Est-ce qu'il est supporter des Zèbres de Charleroi? Non, pas vraiment, non. Ouais, bah, aujourd'hui, on est un petit peu tous supporters des Zèbres parce qu'ils ont apporté quand même 10 000 euros. Ils sont en train de jouer un match qu'on peut suivre en direct sur Télésambre en ce moment, puisqu'on est en direct sur Télésambre de 11h à 18h et également sur le Live Center rtbf.be. Le score de ce match des héros du kicker face au Sporting de Charleroi, c'est 5-4 actuellement. Et alors, autre match qui se joue en ce moment, c'est Bruges-Anderlecht. Le score est toujours de 0-2. Dès que ça bouge, on fait un point avec Thierry Lutterst qui viendra nous voir. Et à propos de voir, il y a de la visite à nouveau dans ce cube, Viva for Life, ce cube de verre posé sur la place de la Digue à Charleroi, avec Mehdi Bayat qui est de retour du Sporting. Et j'ai l'impression que je vais devoir faire du sport. Je reconnais ton visage. Tu es le préparateur physique du Sporting. Bonjour. Alors attends, toute l'équipe, enfin il y a une partie de l'équipe, installez-vous autour de la table. Voilà, normalement le micro devrait fonctionner maintenant. Comment ça va? On va bouger. Bah on va bouger. Tu sais qu'on n'a pas l'occasion de faire beaucoup de sport depuis qu'on est enfermé ici jeudi. On me l'a dit. Oui, ouais. Alors ça tu vois qui? Bah écoute, ça va. Je vois que tu es en train de me scruter de haut en bas en disant oh là là, il y a du taf. Non, je regarde tes cernes. Il y a autre chose sur le visage où il y a plus que des cernes. Je m'en rends pas compte. Y a de la barbe. Alors qu'est-ce que tu vas me faire faire dans un instant? Bon, on va réfléchir. Quel est le planning? On commence tout de suite ou bien? Ah bah, on va faire les défis. On va les réaliser pendant qu'on écoute de la musique, puisque tu es préparateur physique du Sporting de Charleroi. Grâce à Mehdi Bayat et toute l'équipe. Merci les gars. On a reçu 10 000 euros tout à l'heure. Et là, pendant qu'on va écouter des chansons, il va falloir se préparer physiquement, parce que l'idée, Mehdi, comme tu es avec toute une série des joueurs du Sporting, c'est que je vais vous mettre une raclée dans un match de kicker ici dans le cube. D'accord? Pas de problème. Je crois qu'ils sont en forme. En plus, ils sont fâchés de leur match d'hier, donc ils ont envie de prendre une revanche. Donc c'est toi qui vas m'en faire le... Qu'est-ce qui s'est passé, les gars, hier soir? C'est à force de trop regarder Viva for Life à la télé pendant la nuit? Allez, Jérémy, est-ce que tu peux faire le micro? Alors, non, bah, c'est des matchs compliqués, on le savait. Maintenant, je pense qu'on a fait un bon début de match, les 20 premières minutes. Après, on n'a pas su concrétiser nos occasions et enfoncer le clou. Et malheureusement, on s'est fait revenir au score, mais bon, voilà, c'est le football, à nous de réagir dès mardi à Moucron. Ben, Jérémy, ce qui est génial, c'est que en plus d'être ici dans le cube aujourd'hui, c'est qu'on a ton maillot qui est aux enchères. Je vais vite aller le chercher. Faites une petite chanson pendant ce temps-là, les gars. Ça s'appelle du comblage en radio. Vous avez une chanson de supporter que vous voulez faire? À mon avis, parfait et l'homme de la situation. Allez, vas-y, fais-nous une petite chanson, celle que tu veux, même si c'est pas un chant de supporter, chante le temps que j'aille chercher le maillot. C'est à toi, l'antenne est à toi. C'est ton showcase, c'est ton moment. Bon, je vais chanter Corneille avec classe. Ah, cool, vas-y. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test, mais qui n'ont pas de ce plan, mais je t'en prie, reste. Allez, tous ensemble, si vous connaissez. Laisse-moi t'offrir la porte et prends ta veste. Assure-toi, rien ne presse quand je te vois. Et après, on sait plus. on sait peut-être le refrain. C'est comme Corneille. Non. Non, ok, pardon. Excuse-moi. Non, c'est pas ça, Cyril, tu fais n'importe quoi. Bah, je te laisse faire, c'est toi, Corneille. C'est Corneille d'aujourd'hui. Classe que j'admire, si tu permets. Comme moi, que c'est ta classe qui m'a attiré, tu le sais. Ce soir, c'est avec classe que je te désire, même ton respect dans ton cœur. C'est avec classe et ça marche à chaque fois. Super applaudissement quand même. Merci. Bon, quand ça marchera plus au foot, tu sais quoi faire. Alors, donc le maillot qui est aux enchères, je suis en train de le montrer en direct à la télé sur Télé-Sambre. Maillot qui a été dédicacé. Hop là, vous pouvez faire les enchères. Abaisse juste un tout petit peu ta tête, voilà, merci. Sur vivaforlife.be, sur deuxièmemain.be, vous pouvez enchérir pour ce maillot qui n'a pas été lavé. Tu as transpiré dedans. Tu transpires beaucoup quand tu joues? Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Si, si. Je cours pas beaucoup. Bon, alors, les gars, on va faire un match. Comme en ce moment, il y a vos copains qui sont en train de perdre sur la place de la digue. Hier soir, vous avez perdu le match. Je suis chaud boulette, je me sens prêt à vous battre au kicker. Mais quand je l'ai dit il y a deux secondes, j'ai vu dans votre regard que vous étiez un peu dubitatif, quoi, en disant on va quand même le manger, le Cyril. Le kicker, vous avez l'habitude? Vous entraînez parfois au kicker? Question con parce que ça sert à rien, mais. Ouais, vous savez jouer? Eh bien, on va voir ça. Le temps qu'on écoute une musique, Edith Piaf, l'hymne à l'amour qui était demandé par Elodie de Charleroi. Je vais d'abord m'entraîner avec le préparateur physique. Qu'est-ce qu'on va faire comme exercice? Parce qu'il faut se chauffer, quoi, avant une partie de kicker. On va se chauffer, hein. On va se chauffer. Chauffons-nous tous ensemble. Et juste. Ils sont fans d'escalier, les joueurs du sportif. Vous êtes fan d'escalier? Ouais, mais on va faire un truc qui peut se faire ici dans le cube. Bah, évidemment, ils vont le faire. Il n'y a pas d'escalier. Donc on va trouver un truc à faire. Vous suivez ça sur le livecenter rtbf.be et sur Télé-Sambre en direct jusque 18h. Pendant ce temps-là, la musique a du cœur et on la partage. Edith Piaf, l'hymne à l'amour. Et c'est 5€ de plus dans cette cagnotte Viva for Life. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre de bien s'écrouler. Me m'attendre, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Que tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on se... Thank you. continuez à choisir la musique. Pour ça, un numéro de téléphone 0800 30 007. Viva for Life, ça continue pendant encore 75 heures 23 minutes et on revient juste après ça. Viva for Life, jusqu'au 23 décembre, c'est aussi en télé. Retrouvez Sarah Depardieu, Sébastien Delvaux et Cyril de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télécembre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télécembre. Viva for Life, en direct de la place de la Digue à Charleroi sur Vivacité, La Une, Télécembre et vivaforlife.be. Offrez des fleurs, c'est du bonheur. Pour que les fêtes soient plus belles, j'offre des fleurs naturelles. Alors pour Noël et l'année nouvelle, je prévois des brassées de roses, de frésia, de lys et d'amaryllis achetées chez mon fleuriste. Pour les fêtes, faites comme moi, pensez fleurs. Salut, ici Dan Gagnon. J'ai été choisi pour vous parler de la Société Wallonne des Eaux. Alors pour les personnes qui ont décidé de ne pas se jeter dans le trafic pour éviter d'entendre la suite, sachez que la SWDE peut être utile et de bons conseils. Comme par exemple quand vous voulez envoyer les chiffres de votre compteur facilement. Alors pourquoi vous voudriez faire une chose pareille? Aucune calice d'idée. Mais si ce n'est peut-être avoir une facture correcte. Alors dans ce cas-là, ouais, SWDE.be dans l'espace client. Préparez vos cadeaux de Noël chez Intersport Liège. Venez vite découvrir un très grand choix de cadeaux ski, surf, running, casque, chaussures, vestes, pantalons, sous-vêtements techniques. Et profitez de nos départements location et entretien. Intersport Liège, à Chéné, Quai des Ardennes, 1200 m² dédiés au sport. Intersportliège.be. Viva for Life. Il y a du goal, Thierry Luters. 1-2, voilà, Bruges est revenu à 1-2 avec un but de Stéphane Delsuil, son défenseur néerlandais à la 58e. Et il va y encore avoir beaucoup de discussions puisque juste avant cela, Anderlecht a fait 0-3 par Okaka qui a été signalé hors jeu, mais il n'était pas. Ah donc, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On fera le bilan à la fin du match, mais pour l'instant, donc Bruges est relancé avec ce but de Delsuil qui a réduit, non pas le score, mais l'écart en bon français, 1-2. Et là, bah, le match est toujours sous haute tension, c'est un match passionnant. Bruges a un petit peu élevé son nouvel. Son niveau de jeu, c'était pas compliqué, c'était pas dedans premier mi-temps. Ouais. D'autant que Refailov a remplacé Diaby. 1-2. Merci Thierry, tu reviens à tout moment dès que ça bouge de ce côté du côté de ce match. Il va y avoir un match dans le cube. Dans un instant, je vais affronter le Sporting de Charleroi au kicker. Je viens de faire la préparation physique avec le préparateur physique du Sporting. On a fait des pompes, on a fait des fentes et donc je suis prêt, grâce à Fred Renaud, à affronter cette équipe du Sporting. Mais juste avant, Madame Cause est de retour dans ce studio. Bénédicte, nous allons parler d'une association cet après-midi. D'une association qui s'appelle La Pouponnière, qui est plutôt, pardon, une pouponnière qui s'appelle Le Cerf-Volant. Et nous avons par téléphone Alice Dubois, qui est psychologue. Bonjour Alice. Oui, bonjour. Alors parlez-nous brièvement de La Pouponnière. Alors, on est effectivement une pouponnière, donc un service d'accueil spécialisé de la petite enfance. Et on accueille 24 enfants qui ont entre 0 et 6-7 ans. Tous les enfants sont placés par le juge de la jeunesse ou par le service de l'aide à la jeunesse. Donc on est en quelque sorte leur lieu de vie, leur maison. Et votre priorité de travailler sur le meilleur projet possible pour l'avenir de ces enfants, c'est important? Oui, tout à fait. Donc on a bien un double objectif de travail. Donc le premier, c'est d'offrir un lieu de vie pour les enfants afin qu'ils puissent se sentir le plus en sécurité et continuer à grandir le plus normalement possible malgré tout. Et alors un deuxième objectif de travail qui est un vrai travail d'équipe, d'observation et de réflexion en collaboration avec les mandants. Et à travers ce travail, on essaye de déterminer le projet le plus adéquat pour la suite. Parce que comme on a une limite d'âge, on est toujours un lieu de transition, donc on pense à la suite pour ces enfants. Merci Alice pour ce témoignage. Il faut agir dès maintenant pour que ces enfants puissent avoir un meilleur avenir. C'est le mot d'ordre, c'est important. Rejoignez la grande famille Viva for Life. Faites un don 0800 30 007. Les bénévoles au call center Enalo sont là pour prendre vos appels. On compte sur vous. Exactement, comme Nathalie l'a fait, elle a donné 50 euros. Merci Nathalie pour écouter Coldplay Adventure of a Lifetime. Et pendant qu'on écoute Coldplay, je vais aller mettre une raclée au Sporting de Charleroi au kicker. C'est à suivre sur Télécembre et sur le Live Center. Foot en ce moment dans le cube de Viva for Life. On suit le match Bruges-Anderlecht avec Thierry Luthers qui vient régulièrement faire un point. Et puis un autre match qui se déroule en ce moment, j'affronte le Sporting de Charleroi au Kicker, à suivre sur Télé-Sambre et sur vivaforlife.be. Pour le moment, c'est vrai, le Sporting mène 2-1. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, le temps de faire les infos. On revient pour une nouvelle heure de Viva for Life avec vos dons encore au 0800 030 007. Cette semaine, Flair soutient Viva for Life et donne la parole à de jeunes mamans célibataires. La précarité, elles connaissent et la défient chaque jour. Flair, il faut le flair. Salut Cyril, alors c'est toi le petit nouveau? Eh ben super, hein, on est vraiment tous fiers de toi, bravo. Envie d'offrir un cadeau qui fait vraiment plaisir? Kitchen Market, ce sont des milliers d'idées cadeaux pour les gourmets et les gourmands. Des idées plein la cuisine. Tu sais pourquoi on a gagné à Waterloo? Attends, vous avez eu de la chance, c'est tout. Oh, c'est français. Viens avec moi, tu vas vivre une expérience époustouflante. Le nouveau mémorial, la butte du Lion, le panorama, la ferme de Goumont, le dernier QG de Napoléon et le musée Wellington. Venez les visiter en famille grâce au pass 1815. Info sur visitewaterloo.be. You too, go to Waterloo. Avec vivacité. Écoutez Vivacité, il est 16h. Le journal est présenté par Natacha Stragier. Environ 400 personnes ont participé à un brunch en solidarité avec les réfugiés dans un café à Bruxelles. L'organisation Amitié sans frontières offre tous les vendredis des petits déjeuners aux demandeurs d'asile qui font la file devant l'Office des étrangers. Selon son porte-parole, il n'y a pas une crise de réfugiés en Belgique, mais bien de l'accueil. Les Espagnols étaient un peu moins nombreux à s'être rendus aux urnes à la mi-journée que lors du précédent scrutin en 2011. Ces législatives pourraient signer la fin du bipartisme et voir l'émergence de deux nouveaux venus, Podemos à gauche et Ciudadanos au centre. Le taux de participation s'élevait à 37% à 13h. Les premières projections seront diffusées à 20h après la fermeture des bureaux de vote. Les sondages donnent en tête le parti populaire, la droite du président du gouvernement, Mariano Rajoy, sans qu'il obtienne toutefois la majorité absolue. En Inde, le plus jeune des six auteurs du viol collectif d'une étudiante en décembre 2012 a été libéré aujourd'hui. Paris. La justice a refusé de prolonger sa peine de 3 ans de prison. Une association de protection des femmes a saisi la Cour suprême. Elle examinera sa plainte demain. Plus d'une centaine de personnes, dont la famille de la victime, ont manifesté à New Delhi pour dénoncer cette libération. Les 6 hommes avaient attiré l'étudiante de 23 ans et son compagnon dans un bus en décembre 2012. Ils l'avaient violée plusieurs fois et avaient frappé le couple avec une barre de fer avant de les laisser pour mort sur la route. La jeune femme était décédée 2 semaines plus tard. En football, Anderlecht mène 1-2 au club de Bruges. C'est le match phare de cette 20e journée. À 20h, le Standard se déplacera à Ostende et à 20h, la Gantoise recevra Courtrai. Enfin, à Berlin, une église protestante luthérienne a célébré le culte dominical sur le thème de Star Wars. Les 2 pasteurs brandissaient des sabres laser et les fidèles étaient déguisés en héros de la saga. L'église dit avoir voulu dresser un parallèle avec le combat des forces du bien et du mal en recourant au nouvel opus de la série. C'est la fin de ces infos. Il est l'heure de faire un point RTBF Mobile Info, mais juste avant, un point sport, si vous voulez bien, Pierre Collard-Bovy, parce que je viens de gagner au kicker contre l'équipe du Sporting de Charleroi. Ben, grâce à toi, Jérémy, merci beaucoup. D'ailleurs, le maillot qui est aux enchères sur vivaforlife.be, on a fait une équipe de choc. Mehdi, tu m'engages ? Ouais. Merci. On va discuter du contrat hors antenne. Hein. Salut Mehdi, le Sporting qui a donné 10 000 euros. Merci à eux. Voilà, désolé Pierre Collard-Bovy, c'est à vous. Que se passe-t-il sur les routes? Je ne vous donnerai que les informations routières. Moi, je n'ai que ça en magasin pour le moment. Alors, de gros embarras de circulation sont signalés sur la Nationale 971 de Néanmoins à hauteur de Marais-Dessous. On relève des fils sur plus ou moins 1 km et vous perdez une dizaine de minutes. Ralentissement encore également dû à des travaux cette fois sur le 42 Liège-Mons. C'est le chantier entre Timéon et Chapelle-Lerlément. Et vous ralentissez précisément entre Gosselies et Courcelles. Vous perdez 5-6 minutes, c'était pas bien grave pour le moment. Et puis on termine par un contrôle de vitesse sur le 42 Liège-Namur entre Saint-Georges et Huy-Héron. Après vous être farci les embouteillages, offrez-vous de bonnes petites cailles chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. À votre famille, à vos amis et même à votre portefeuille. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Viva for life. Viva for life. De 14h à 18h avec Cyril. En direct sur le Live Center, sur Vivacité et sur Télé-Sambre. Vous avez pu suivre en direct la défaite du Sporting de Charleroi. Sauf Jérémy qui était avec moi dans l'équipe. On a gagné, je ne connais pas le score, mais je sais qu'on a gagné, c'est le principal. Vous pouvez retrouver tout ça en vidéo, les photos et tous les meilleurs moments. D'ailleurs, à tout moment sur vivaforlife.be. Bon, nouvelle heure qui démarre. Ça veut dire que vous devez choisir la musique. Il est temps de le faire. Si vous voulez écouter vos morceaux préférés, on compte sur vous. Un numéro de téléphone pour ça, le 0800 30 007, avec toute l'équipe du call center Enalo à Gosselies qui vous attend. Vous appelez, ça vous prend quelques secondes, vous faites un don et vous partagez la musique que vous aimez. Il y a le SMS également pour faire vos dons. Si vous voulez faire ça tranquillement, même pas choisir de musique, vous pouvez, ça marche aussi. Un numéro de téléphone par SMS, c'est le 4001 et vous envoyez votre numéro de compte, un espace et le montant que vous voulez donner. Et puis sinon, la bonne vieille technique du virement, elle fonctionne aussi, c'est bien pratique. Vous pouvez virer le montant de votre choix sur le BE35 8 x 0, 37, 37 et à partir de 40 euros, on vous rappelle qu'il y a une déduction fiscale, donc le fameux calcul habituel 40 euros, bah c'est comme si vous donniez 22 euros puisque vous en retouchez 18. On compte sur vous pour faire vos dons, pour être généreux et vous pourrez ensuite faire plaisir du coup à ces 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui comptent sur vous, qui ont besoin d'aide. Ils vivent dans la pauvreté et c'est complètement anormal d'avoir autant d'enfants qui sont dans la difficulté encore en 2015. Et grâce à Sandrine qui est au téléphone, ça va avancer, ce compteur va grimper. Elle s'appelle pas Sandrine, elle s'appelle Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour. Comment ça va ma choupette? Ça va. T'as quel âge? J'ai 12 ans. Et tu as décidé de faire un don toi aussi? Oui. Il y a une raison particulière qui fait que t'as appelé le 0800 30 007? J'ai moi-même une petite sœur et en fait les paroles que j'ai dites en commentaire, c'est ce que j'ai dit pour le baptême de ma petite sœur. C'est pour le baptême de ta petite sœur, c'est ça? Oui. Alors c'est une chanson que tu avais passée ou pas du tout au baptême? Oui. Ah c'est ça, donc c'est quelle chanson que tu as choisi d'écouter? Quelle chanson j'ai choisi? Tu ne sais plus? Tu veux que je t'aide? Evanescence, je crois. Evanescence, exactement, avec Bring Me To Life. C'est 40 euros grâce à toi que l'on rajoute à cette cagnotte Viva For Life. Merci beaucoup, Aurore, d'avoir fait un don. Je te fais d'énormes bisous. Et comment elle s'appelle, ta sœur? Elle s'appelle Laura. Et elle a quel âge? Elle a 6 ans. Elle a 6 ans, on lui fait un bisou aussi. Salut Laura, salut Aurore, à très vite. À très vite. 0830 007, quel que soit votre âge, vous pouvez participer, vous pouvez faire des dons, on vous attend. Et pendant ce temps-là, on écoute Evanescence, Bring Me To Life dans Via For Life. How can you see into my eyes like open? Bring me to life. C'est bon, ça décrasse un petit peu les oreilles, ça fait du bien cet après-midi. On est dimanche après-midi, peut-être qu'on s'endort un petit peu et du coup ça réveille. 0830 007, réveillez-vous pour faire des dons, on compte sur vous. Vous choisissez la musique que vous aimez, vous la partagez, à chaque fois vous mettez quelques euros et on fait grimper le compteur. On n'a pas de vue sur le compteur, on le découvrira seulement mercredi, mais on a envie qu'il soit énorme grâce à vous. Et déjà merci. Attention, goal Thierry. Oui, décidément, vous prenez toujours le micro qui ne fonctionne pas. Quelle que soit la place où vous allez, prenez le micro qui est là-bas au bout. Voilà, et comme ça, on teste. Et donc, vous je vous disais voilà. Que c'est 1-3 pour le Sporting Anderlecht qui a transformé un penalty par Suarez. Une faute pas évidente de Meunier sur Suarez. Je pense que M. Gumieni a une après-midi très difficile en termes d'arbitrage. Il reste 10 minutes. Anderlecht est bien parti alors qu'il faisait le gros dos. Bruges pousse 7 ans et plus. Mais là, ils ont rétabli l'écart de 2 buts. 1-3 pour Anderlecht. Merci pour ce point foot, Thierry. Alors, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a un Brésil. Brésilien qui a gagné le, qui a eu le record du monde du plus long goal. Oui. Prochain but, on tente de le battre. D'accord, avec plaisir. En duo. En duo. Bien on sûr. Fera ça. Merci. Espérons maintenant qu'il marque pour qu'on puisse le faire. À tout à l'heure, Thierry. Il y a quelqu'un à la porte du cube de Viva for Life. Nous allons ouvrir cette porte tout de suite pour savoir qui se cache derrière. Bonjour. Ah, c'est quelqu'un que j'ai vu sur la tournée, sur la tournée, pas sur la tournée, mais sur le Sporting de Charleroi au match, puisque Proximus soutient aussi Viva for Life et partenaire du Sporting et partenaire de Viva for Life. Bonjour, comment ça va? Alors, il y a un des deux micros qui est en panne, on va tester. Celui-là, je pense, est le bon. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, Xavier, d'être avec nous. Vous êtes responsable des actions sociales chez Proximus. Ça veut dire que vous soutenez Viva for Life. Comment ça se passe en réalité? Alors, on soutient Viva for Life par notre action Storygram. Oui. C'est une manière originale d'échanger ses vœux de fin d'année par l'application Storygram. Que vous trouvez sur tous les apps Store, Windows Phone, Android et voilà, sur l'App Store. Ainsi que sur storygram.be. D'accord. On envoie son vœu, on soutient Viva for Life et par vœu envoyé, il y a 50 cents qui sont reversés à Viva for Life. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en direct. Je vais venir à côté de toi, Xavier, et nous allons storygrammer ensemble pour vous montrer à quel point c'est super facile. Alors, je compte sur ceux qui sont sur la place de la Digue en ce moment, et si vous êtes sur Télésambre en ce moment sur le Live Center, vous prenez l'application. Donc, dès qu'elle est ouverte, vous avez un écran. Il suffit de choisir une petite animation. T'as une préférence, Xavier, entre le renne, le pingouin, le Père Noël? On va envoyer le renne. Allez, on prend le renne. Le renne qui est où? C'est le premier de l'application. Voilà, on clique sur suivant, tout simplement, et là, on va prendre une photo ensemble. Alors, on se fait un petit selfie, hop, un petit sourire, une petite grimace, tiens. Voilà, on est d'accord sur la photo, on utilise celle-là, on l'envoie, hop, tout simplement, on la choisit Viva for Life, bien évidemment, et hop, là, en faisant ça, c'est 50 centimes qui partent pour Viva for Life. Et alors, tu es venu avec un chèque, Xavier? Exactement, donc c'est un chèque qui, évidemment, qui est évolutif vu que Viva for Life n'est pas terminé. Et donc nous avons à l'endroit, c'est mieux. C'est un gros chèque, alors il n'est pas évident à manier, évidemment. Ouais. On découvre le montant. Nous avons aujourd'hui un montant de 11 280 euros. Merci Xavier, merci Proximus. Et évidemment, ce montant va continuer à gonfler avec les storygrammes qui vont être envoyés jusqu'à la fin de l'opération. Alors n'hésitez pas, vraiment, ça prend quelques secondes. Si vous avez un smartphone, si vous êtes chez vous, si vous êtes sur la place de la Digue, vous téléchargez l'application Storygram, vous prenez une photo et vous envoyez ça sur le site Storygram, ça prend que quelques secondes. Merci Xavier, à très vite. Avec grand plaisir. On fera un merci point sur ce vous, chèque bravo. Qui va grandir. C'est pas, franchement, il y a plein de gens qui nous disent bravo et c'est super gentil, ça nous fait hyper plaisir. Mais sincèrement, on est enfermé pendant 6 jours, 6 nuits dans ce cube. C'est rien, je le répète, par rapport à des enfants qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans la difficulté tout au long de l'année et c'est pas normal. Et merci, vraiment, ça nous touche beaucoup les messages. Mais voilà, nous, franchement, c'est pas grand chose qu'on fait contrairement à toutes les associations qui se battent toute l'année et qui ont besoin de dons. 0830 007, faites vos dons. Appelez, choisissez la musique, on la partage ensemble sur Vivacité. Durant les fêtes, trouver une place de parking pour faire son shopping est quasi impossible. Alors apprenez le parking acrobatique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous garer dans une toute petite place. Attends, mais je vais jamais rentrer là-dedans. Ben, quand c'est étroit, on se gare sur deux roues. Allez, on se penche à gauche et on se soulève. Ah ben oui, on est garé, mais on est coincé. Pas vraiment convaincu? Alors prenez plutôt le train. Billets shopping de la SNCB. Voyagez partout en Belgique tous les week-ends de décembre et tous les jours pendant les vacances de Noël pour seulement 11 euros l'aller-retour. Infos et conditions sur sncb.be. La SWDE, c'est la Société Wallonne des Eaux, un endroit aussi excitant que le FBI. Ouais, bon, plus sérieusement, sachez qu'ils font un boulot important. J'ai remarqué que si on passe 125 jours sans se laver ni boire, eh bien, on se sent moins bien. En plus, s'il y a un souci ou des travaux sur le réseau des eaux, allez sur swde.be et ils vont vous dire quoi faire. Comme par exemple, ne jamais boire l'eau quand elle est brune. Honnêtement, c'est pas bon. Beauty. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région. Toutes les plus grandes marques, des centaines d'idées cadeaux, de nombreux soins en institut dans un cadre convivial et professionnel. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région, avenue François Cornès à Ewaï. Soutenez Viva for Life au 0800 30 007. Devinez qui je suis. Oui, c'est Benjamin Maréchal. Dites, j'interromps encore la pub, parce que Viva for Life a un dernier défi à relever à Liège. Eh ouais, c'est exactement là que tout a commencé. J'ai vu cette semaine que je pouvais compter sur vous, mais je préfère vous redemander un petit coup de main. Il me faut un maximum de monde. À partir de 18h, à la place Saint-Lambert de Liège, c'est pour Viva for Life. Est-ce que vous serez là? Parce que nous, on sera là. Mais si vous êtes là, prenez un sou. Merci. Cette année, il y a de la magie en dessous de votre sapin. Faites toujours plaisir. Offrez un coffret cadeau du Château des Thermes de Chaudfontaine. C'est tellement facile de ne pas se tromper. Château des Thermes. Château des Thermes. Commandez sans tarder. Toutes les infos sur châteaudesthermes.be. Viva for Life. Viva for Life en direct de la place de la Digue à Charleroi. Je suis à côté de la boîte aux lettres avec une madame. Comment vous appelez ? Chloé Patricia. Madame Patricia, qui voilà. A fait un magnifique dessin. Racontez-nous, expliquez-nous pour tous les auditeurs qui sont à la radio. Moi, j'ai craqué pour le portrait de Cubi. Et puis, j'ai fait une réalisation au pastel sec, en fait. Et donc, voilà, je lui ai fait son portrait. Il est beau, il est magnifique. Il est en train de se regarder, du coup. Cubi, est-ce que ça te plaît ? Voilà, il est d'accord. Il aime beaucoup son dessin. Bravo, madame. On va l'afficher dans le cube. Cubi. Cubi, t'es content ? T'es une vraie star, Cubi. Il a l'air d'apprécier le dessin, hein ? Il le regarde vraiment. Je vais le récupérer pour pas qu'il glisse de la boîte aux lettres, pour pas qu'il ne se fasse mal. Merci beaucoup, madame. Je récupère tout de suite le dessin. Attendez, je vais le prendre comme ça. C'est magnifique. On va l'afficher. Et comme ça, vous pourrez le voir aussi. Merci beaucoup. Sur viaforlife.be. Merci à vous. Continuez à faire vos dons. 0830 007. Pendant ce temps-là, on continue à écouter de la musique. La musique que vous choisissez. 24 heures sur 24 pendant encore 74 heures 56 minutes. Et la musique que vous avez voulu écouter tout de suite, c'est Serge Gainsbourg avec la Javanaise. Viva for Life avec Cyril. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. Sans la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne plaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La Javanaise de Serge Gainsbourg. Ça fait plaisir et ça fait rentrer de l'argent aussi dans cette cagnotte Viva for Life. 40 euros qu'on ajoute. Merci beaucoup à Anne de Bruxelles qui a décidé d'écouter cette chanson. Continuez à appeler 0830 007. Cet argent sert concrètement tout au long de l'année. C'est des associations qui sont aidées. 140 appels à projets qui sont arrivés cette année. Et on a envie de faire plaisir à toutes ces associations, d'aider les 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et pour ça, on a besoin de vous. 0830 007. Qu'est-ce que Viva for Life concrètement? On va en parler avec Madame Cause Bénédicte qui est de retour dans ce cube de verre. Effectivement Cyril, et des enfants qui tous les jours vont à l'école mais qui n'ont pas de logement, eh bien ça existe en Belgique en 2015. Ça veut dire que les parents sont en grosse difficulté et viennent de perdre leur toit, mais qu'ils ont réussi à garder leur enfant auprès d'eux malgré cette précarité de logement. Maxime Paquet a rencontré un couple de parents entre Mons, Charleroi et Bruxelles. Ils ont vécu sans domicile fixe avec deux enfants pendant un an et un mois. Ça y est, depuis une semaine, Rosemary et Christophe ont reçu les clés de leur logement social. Mais ils ont vécu sans domicile pendant plus d'un an avec deux enfants. On savait que ça allait être dur. C'est difficile. Après avoir perdu leur maison, il a fallu parer au plus pressé. Les enfants sont pas au courant de la situation totale. Les enfants sont au courant qu'ils ont perdu une maison. Disons qu'on a fait en sorte qu'ils ne soient pas au courant de la situation. Malgré que la situation était très grave, en tant qu'homme, j'ai mon amour propre. Moi, en tant qu'homme, je pourrais rester dehors. Maintenant, des femmes et des enfants n'ont pas à rester dehors. C'est dangereux. Abri de nuit, maison d'accueil, un véritable parcours du combattant pour la famille. En fait, l'abri de nuit, on peut rentrer avec les enfants à 9h du soir. Il n'y a vraiment rien pour accueillir les enfants qui se retrouvent avec leurs parents dans ces situations-là. Donc ce qu'on faisait, c'est quand on avait l'argent nécessaire, on allait avec eux au chaud, où ils pouvaient se dépenser et jouer. Mais sinon, on faisait des promenades dans les rues, parfois dans la station de métro, attendre jusqu'à 9h du soir. Et chaque matin, tous les quatre partaient en bus à 6h du matin pour amener les enfants à l'école. J'ai voulu qu'ils gardent au moins ça, parce qu'ils avaient perdu leur maison, leur jeu. Il fallait au moins qu'ils gardent leurs copains d'école. Et j'en avais pour 360 € de train par mois. Que le CPS a refusé de prendre en charge puisque je voulais pas déporter mes enfants sur la commune où j'étais en abri de nuit pour qu'ils gardent leur stabilité, mais je l'ai fait. Ultime réconfort aujourd'hui, la famille va pouvoir passer les fêtes de fin d'année chez elle. Sapin ou pas, leur cadeau cette année, c'est la maison. Enfin. Alors évidemment, comme vous avez pu l'entendre, vivre sans logement ne veut pas dire vivre dans la rue. Lieux d'accueil, abris de nuit existent, mais les heures d'ouverture de ces refuges rendent la vie des parents en errance, comme on les appelle parfois, très compliquée. Une solution parfois, c'est de se rediriger vers des lieux qui peuvent accueillir les enfants en journée. Par exemple, quand les parents effectuent des démarches administratives. Eh bien, c'est pour cela qu'on se mobilise, Cyril, toute cette semaine, pour financer des associations actives sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté. Mais on ne pourra pas y arriver sans vous. 0800 30 007, c'est le numéro que l'on vous demande de former, c'est important. On le rappelle, à partir de 40 euros, il y a cette fameuse déduction fiscale. Donc, on a besoin de vous pour y arriver. 0830 007. Je voudrais qu'on s'arrête deux secondes quand même sur ce qu'on vient d'entendre. Vous avez des enfants, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, vous avez des enfants qui sont à la maison, qui sont au chaud. Vous imaginez là, des enfants qui sont dans le métro la journée, qui doivent attendre 21h. C'est juste pas normal. On compte sur vous. Il faut que ça change. 0830 007. Vous faites vos dons et vous partagez la musique que vous avez envie d'écouter pour que ça n'existe plus et que tous les enfants aient un toit tous les jours 24h sur 24, c'est juste hallucinant. Voici les Maroon 5, Sugar maintenant sur Vivacité, c'est Viva for Life pendant encore 74h49. Merci Bénédicte, à plus tard. Little thing. red velvet. I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Jusqu'au 23 décembre, c'est aussi en télé. Retrouvez Sarah Depadua, Sébastien Nelvaux et Cyril de minuit à 11h sur la Une et de 11h à 18h sur Télécembre. Et chaque soir, les meilleurs moments de la journée à 18h30 sur la Une et 22h30 sur Télécembre. Viva for Life, en direct de la place de la Digue à Charleroi sur Vivacité, la Une, Télécembre et vivaforlife.be. Un repas de fête 100% bio? Oui, c'est possible, grâce à Biofagne. Biofagne. Votre supermarché bio à Neupré et à Teux. Biofagne.be. Viva for Life. Avant de s'enfermer dans le cube de verre de Viva for Life, Sarah Depadua s'est confiée au magazine Gaël. Découvrez dans ce Gaël spécial Sarah les facettes inattendues de cette femme aussi belle dehors que dedans. Sarah se donne à fond et Gaël adore ça. Gaël, ma référence à moi. Tous les jours de la semaine prochaine, un cadeau avec votre DH. Lundi, du papier cadeau offert gratuitement avec votre journal. Mardi, un autre papier cadeau gratuit. Mercredi, des lampions gratuits pour votre table de fête. Et jeudi, d'autres petites lanternes offertes gratuitement. Thierry Hutter, c'est de retour dans ce cube et de verre. Oui, j'ai pris le bon micro, alléluia. Bravo Thierry, merci, il merci, est arrivé. Merci beaucoup. Alors, Bruges, Anderlecht, c'est terminé. C'est terminé. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un but? Il y a eu un but. Ah, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Alors, on le fait à la butte ou à la goal? On le fait à la Gaule. Okay. Alors, le principe, c'est que tout à l'heure, on parlait de ce Brésilien qui a battu le record. Ouais. 36 secondes, je pense qu'il a tenu pour faire le plus long goal du monde. On a fait plus long à la Coupe du Monde avec Manuel Jousse, si je peux me permettre. Ah bah, alors, on va vérifier si vous n'avez rien perdu depuis la Coupe du Monde. Pour la finale de l'Euro. Hein. J'ai un chronomètre en main. Ouais. On le fait ensemble. Okay. Attention, le plus long goal, on va tenter. Ça demande une préparation. J'ai l'impression qu'on est dans le grand bleu avant de plonger sous l'eau. Attention. 3, 2, 1. Go! Désolé, je peux pas le bleu. On a fait quoi? 34 secondes. Merci Thierry. Par contre, votre micro fonctionne toujours pas. Vous avez la poisse, hein, visiblement. On revient après France Galles. Attendez, je vais quand même donner le résultat du match. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas donné. Désolé. Donc, on sait qu'il y a eu un goal. Voilà. Alors donc, Bruges-Anderlecht, score final 1-4. 4, c'est important, puisque Anderlecht revient à la hauteur de Bruges, à la deuxième place du classement avec 37 points, sachant qu'Ostende et la Gantoise vont encore jouer ce soir. Je rappelle rapidement la marche des buts, donc 0-1 par Okaka très vite dans le match, Prat 0-2, score à la mi-temps, 0-3 sera failli par Okaka, but annulé, et puis 1-2 par Denswil, 1-3 par Suarez sur pénalty, et 1-4 par Prat en toute fin de match. C'était un match très nerveux. Il y a eu 10 cartons jaunes distribués par M. Gumieni. Ah oui, quand même, c'est intense. Ouais, ça, ça a pas mal chauffé. Il y a eu quelques phases litigieuses dont on va parler aujourd'hui et demain. Prochain rendez-vous, 18h, Ostende Standard. Et encore bravo pour votre voix. Merci. Mais j'ai pas encore battu le record. On le battra, ne vous tracassez pas. Avant la fin de ces 75 heures, Sors pas du cube tant qu'on ne l'a pas. Eh ben, on risque de rester temps quand même. Merci Thierry. Merci à tout à l'heure. Tout à l'heure, il y aura ici sur la scène de la place de la Digue, le showcase de Roberto Bellarossa qui sera là ce soir. Et vous savez quoi, Roberto, il est là, il arrive. On ouvre la porte et Roberto rentre. Pendant ce temps-là, on écoute un autre single de Roberto. Roberto Bellarossa qui vient de faire son entrée ici dans le Cube de Verre. Vous pouvez suivre ça sur le Live Center rtbf.be, sur Télésambre aussi. On est en direct cet après-midi. Comment ça va, Roberto? Alors, comme on ne sait jamais quel micro fonctionne, prends les deux. Comme Allô, ça, on prend pas de risque. Allô, celui-là. Ah, voilà, celui-là, parfait. Comment ça va? Vachement fort. Hein. Voilà. Ouais, tu écoutes pas trop fort dans le casque d'habitude. Non. C'est bien, il faut protéger tes oreilles. Ça va? Ben, ça va et toi? Ben, ça va, très bien, merci beaucoup. Prêt pour moi d'être ici. Ben, ça nous fait plaisir que tu passes nous voir. T'as vu tout le monde qui est venu pour te voir tout à l'heure sur scène? Oui. Bonjour. Faites Bonjour. Un coucou à Roberto qui est dans le cube. Salut. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? On t'a beaucoup vu sur la tournée Belfius, oui. Sur la tournée Viva for Life. Oui. Et alors la nouvelle, je te l'ai dit? Mais il y a la tournée qu'on vient de faire qui était formidable. C'était un honneur pour moi d'y participer et d'y contribuer. Je pense que c'est super important pour un artiste de pouvoir se donner un peu de sa personne pour une belle cause comme celle-ci. Donc je suis très honoré d'être ici. Et puis il y a eu la sortie de mon nouvel album et tout ça. T'as pas bossé tout seul sur cet album? Non, j'ai bossé. T'as eu un chouette parrain. Oui, c'était une chouette personne, un chouette artiste. Et on va juste rappeler qui c'est. Pascal Obispo. La classe quand même. Oui, c'était chouette, c'était vraiment une belle rencontre. Et puis il y a eu des belles chansons, un bel album dont je suis très fier et que je me réjouis de montrer et de chanter ce soir ici pour Viva for Life. Eh bien, on a hâte d'entendre parce qu'il y a cette chanson-là. Ouais, sérieusement, j'en suis d'accord. J'adore ce que tu fais, Roberto, vraiment. Merci beaucoup. Et alors, tu as dit récemment dans une interview que tu serais tenté de participer à l'Eurovision. J'ai pas de bêtises, t'as dit ça? Oui, j'ai dit ça et je l'assume complètement. Et avec quoi comme s'il t'a déjà une idée de ce que tu voudrais proposer? Non, pas encore, mais je suis en train d'écrire et tout ça. Mais c'est pas pour le moment parce que j'ai vraiment envie de me concentrer vraiment sur ma carrière personnelle. Après, je pense que je le referai un jour, sûrement. Et t'es en contact avec un gagnant de l'Eurovision qui te coach? Ou pas qui me coach, mais on est en contact, on parle ensemble souvent, Alexander Rybak. Ouais. Qui avait gagné en 2009 l'Eurovision. C'est ça pour la Norvège. Donc je suis super content. On a vraiment des bonnes relations. Et je pense que pour le moment, il écrit aussi pas mal de titres. Mais je pense que c'est pas vraiment le but maintenant, essentiellement, de parler de ça. Je pense vraiment qu'on est ici pour une belle cause. Et pourquoi ça touche justement Viva for Life? Ben pourquoi ça me touche? Parce que ça touche les enfants, vraiment. Et je suis tonton d'il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, il y a combien de temps? Il y a 2 ans quand même. Comment t'es tonton d'une petite fille, petit garçon? Qui s'appelle Chiara. Salut Chiara. Et voilà, et je lui fais des gros bisous parce qu'elle me manque énormément. Mais ça me touche vraiment beaucoup. Et puis c'est, je pense qu'il faut se mobiliser tous. Et faire Adore des dons. Molinos. Voilà. Il faut faire des dons, honnêtement, il faut le faire. Et je pense que c'est important. Et il faut aider ces enfants qui sont vraiment dans la nécessité. Et Voilà, en tout cas, moi, je donne vraiment de ma personne. Ça fait maintenant, depuis le début, que je soutiens Viva for Life. Ouais. Si dans 10 ans, Viva for Life existe toujours, je serai là toujours, toujours, toujours pour vous aider. Sincèrement, on espère que Viva for Life ne devra plus exister dans 10 ans. Je pense que c'est la première fois que tu es dans le club. Oui, c'est la première fois, ouais, c'est ma première année. Puisque Raphaël Scagni. Ouais, ça se passe, ça se passe. Raph, qui a laissé sa place puisqu'il est parti sur Classique 21. Je suis bien entouré par Sarah, Sébastien, par notre nounou qui s'occupe super bien de nous. Ah, et honnêtement, ça se passe bien. Et le fait de voir autant de monde, d'avoir autant de gens au téléphone, de voir autant de messages sur les réseaux sociaux, bah ça nous aide à tenir et c'est super cool. Donc franchement, super, c'est super sympa. Est-ce que tu peux me faire un petit plaisir, Roberto? Oui, dis-moi. Tous les artistes qui sont passés pour le moment, pendant que j'étais à l'antenne, ont tous fait un petit truc a cappella. Oui. Tu fais la chanson de ton choix pour tout le public qui est ici devant, pour tous les gens qui sont en train de nous suivre sur internet, en télé et en radio. On t'écoute, fais-toi plaisir, Roberto. Ok. Alors. Suis ta route, sème les doutes, avance mag de coûte que coûte. Ce que tu perds en cours de route n'en valait pas la peine, pas la peine. Suis ta route, sème les doutes, avance mag de coûte que coûte. Les bagages c'est fait pour les soutes, pas pour qu'ils te freinent, pas la peine, pas la peine. Énorme, merci beaucoup Roberto. Merci. La suite, ce sera tout à l'heure sur la scène, ici sur la place de la Digue à Charleroi. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas, venez nous faire merci un petit coucou. Cyril. Il y a encore de la place. Avant de partir, Roberto, tu signes le C, le logo de Charleroi. Avec plaisir. Qu'on mettra aux enchères à la fin de cette émission spéciale. Encore un tout grand merci de m'avoir invité en tout cas. Avec plaisir, et puis à tout à l'heure sur scène. Si tu vois un gars qui danse juste devant la porte ici, c'est moi derrière. Parce que je sais, le soir, j'essaie de profiter un peu des concerts. Merci Roberto. Pour faire vos dons, pour faire vos enchères aussi sur tous les objets, entre autres le C, le logo de Charleroi qui est dans ce cube. On compte sur vous. Et puis pour faire vos dons, c'est par téléphone. Vous choisissez la musique, vous la partagez. 0800 30 007. Et il y a quelqu'un qui nous a demandé d'écouter France Gall. Alors quand vous demandez, ben, on fait donner pour donner. C'est Guylaine de Aupre-Bay qui a donné 50 euros. Merci Guylaine. No crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Mm-hmm. Mm-hmm. Je te donne mes espoirs cachés. Donner pour donner, seule façon d'aimer. Mons 2015, la RTBF présente des merci à l'infini. Merci aux 2 millions de visiteurs de Mons 2015 pour ces moments exceptionnels. Merci d'avoir été les acteurs de cette année capitale. Et le plaisir continue grâce aux expositions jusqu'au 31 janvier 2016. Info sur mons2015.eu. Avec ING, la Loterie Nationale et Le Soir. Toujours pas de cadeau de Noël idéal? Chez Mediamart, vous trouverez le plus grand choix. Choisissez et commandez maintenant sur mediamart.be. Rendez-vous dans votre magasin préféré et payez votre commande directement à la caisse. Mediamart, je ne suis pas fou. Crespin Tiller, votre meilleur choix au meilleur prix garanti. Vos cadeaux, outillages et électroménagers, c'est Crespin. Vos fêtes commencent déjà dans le magasin. Un accueil, un service, c'est Crespin Tiller. Elle est célèbre depuis plus d'un siècle. Elle détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement votre intérieur. La lampe Berger sera pour les fêtes l'invité d'honneur des magasins Sélection au passage Le Monnier à Liège et rue du Collège à Visé. En cristal ou en pâte de verre, en porcelaine ou en faïence, la collection la plus large des lampes Berger sera chez Sélection pour vous apporter un choix idéal de cadeaux de fin d'année et à un prix très raisonnable. Maison Sélection à Liège et à Visé. Un repas d'affaires? En famille? Entre amis? Direction le Chi-Chi's. Restaurant Chi-Chi's, la convivialité d'une cuisine Tex-Mex savoureuse. Il se passe toujours quelque chose au Chi-Chi's. Restaurant le Chi-Chi's, à Raucourt, Médiacité et Herstal. À chaque jour, sa promo au Chi-Chi's. Découvrez la vite sur chichis.be. Il se passe toujours quelque chose au Chi-Chi's. Vivacité et la Une présentent. Le Festival du Cirque Européen fête son 25e anniversaire jusqu'au 3 janvier dans le Parc d'Avroy de Liège. Le plus beau spectacle de cirque traditionnel. Avec cette année, la Reine des Neiges et le clou du spectacle, Vénus des USA, les cascadeurs à moto dans la sphère d'acier. Info 04 222 28 82. hip-hop de Mika qui a été demandé au 0830 007. Et vous aussi, continuez à faire vos dons. On compte sur vous. On vous attend, toute l'équipe, à Gosselies, au call center Enalo, est là et attend que ça sonne. Bah, pour ça, il faut que vous composiez le numéro de téléphone. Ça prend quelques secondes. 0830 007. La suite de la musique avec Queen, Love of My Life, ça a été demandé par je ne sais pas qui, mais ça a été demandé. Et donc, on va l'écouter dans un instant sur Vivacité. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui arrive. Ouvrons la porte. Qui est là? Oh, mais c'est les stars que vous avez vues pendant tout quelques semaines. Comment ça va, les héros du gazon? Salut! Ça va? Eh, t'as pas un truc maillot? Je vais mettre le note. C'est plus sexy quand même. Mais je rentre pas dedans. Bah, c'est sexy tout ça. Alors, je vais changer de maillot. Alors, venez vous installer autour de la table, les gars. Les héros du gazon qui, pendant des semaines, le dimanche, vous ont fait passer des soirées de dingue. Il vous faut une petite escabelle pour monter sur la chaise. Ça va. Alors, comment ça va, Luc? Luc, pardon, Philippe, en forme? Prends le micro parce que c'est le concept de la radio, on a oui, besoin. Oui, en forme, en forme. Micro, en forme. Mais Luc aussi, il faut prendre le micro. Prenez tous le micro. T'as le micro. qu'est-ce que ça vous dit, Viva for Life? Parce que vous avez fait énormément de choses pour Viva for Life. Mais on n'a pas encore fait assez. On va encore faire un truc après. Alors, dites déjà ce que vous avez fait. Oh, ben, on a fait des matchs de gala et ça a bien rapporté, j'espère. On verra tantôt ce que ça a donné. Et alors, les matchs de gala. Tu vas plus large? Mais tu vois, je vais devoir faire du sport avec vous parce qu'il me moule un petit peu quand même. Mais non, ça, c'est super sexy. Mais tu veux qu'on passe la soirée ensemble après? Non. Voilà, j'ai un peu mangé sous pédo. Rideau. Pourquoi ça vous touche la cause Viva for Life? Je pense que Luc, t'as été très, très, très sensible à ça. Quand on nous a demandé de faire des trucs pour Viva for Life, j'ai été le partant avec Didier. À cause j'ai été dans le même cas pendant 2 ans. Je trouve qu'il faut essayer de faire encore plus pour les enfants et c'est pour ça qu'on a été les premiers touchés, moi et Didier. Alors quand tu dis que tu as été dans le même cas, et t'en parles pas si t'as pas envie, mais concrètement ça veut dire quoi pour que les gens se rendent compte de ce que c'est quand tu dis être dans le même cas? Ben, je veux dire, à un moment je vivais avec 650 euros par mois pour moi, ma femme et mes 3 enfants. Et alors, il y a des mois, c'est très, très dur. Quand on arrive, par exemple, comme maintenant, on ne sait pas offrir des cadeaux à ses enfants, on ne sait pas faire un petit plaisir, aller au patinoire, tout ça. Et pourtant, c'est des petites choses qui sont hyper importantes. Voilà, quand on va, par exemple, à un marché de Noël, il y a la patinoire, les enfants ne disent pas, on va à la patinoire. Non, c'est pas possible. C'est un peu... ça fait mal au cœur. Mais oui. Et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de faire partie de l'émission et de faire tous ces matchs-là pour Viva for Life. Alors Luc, merci pour ce témoignage. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui va se passer ce soir? Ce soir, ici, sur la place de la Digue, il y a un défi que vous allez lancer, les héros du gazon. Raconte pas trop. Mais il faut donner envie aux gens de venir pour tous ceux qui sont pas encore sur place. Les gens peuvent venir mettre des dons, mais raconte pas trop, ils verront tantôt. Oui, ils doivent venir absolument avec beaucoup de sous. Et après, on vendra le corps de Philippe. Il est hyper sexy. Il est mignon. Il manque toujours une dent, si jamais. Hein. Ouais, mais il y a plein de dentistes à Charleroi. Ah ouais, là. Bon, il y aura une surprise ce soir. Ce sera à découvrir tout à l'heure dans l'émission télé entre 18h30 et 19h. Alors, vous avez grandi dans votre équipe quand même. On vous a vu pendant cette saison des héros du gazon. Et alors, Philippe, ton frère, si je dis pas de bêtises, joue en ce moment à Pessou, près de Sydney, et qui est en bas du classement. Alors, est-ce que tu veux pas l'aider à s'entraîner maintenant et à remonter maintenant que Léo a donné les consignes? Ben, je ne dis pas que je vais l'aider à l'entraîner parce qu'il est même un peu plus fort que moi. La preuve qu'on a joué contre lui, il l'avait dit le jour avant qu'il allait me skater dans le rectangle et c'est chose faite. J'ai fait le vol plané de ma vie, quoi, là. Et si je parle transfert, est-ce que ça te parle? Il y a des rumeurs de transfert à Pessou. Ouais, ben, c'est comme si tu disais que Messi quittait le Barcelone, c'est la même chose. Moi, je ne vais pas quitter, on n'est pas en Champions League, je reste à Ivoire, c'est tout. Il y a Hazard qui vient à Ivoire. C'est vrai ? Ouais, ouais, on a fait. On m'a juste proposé la place de Mourinho, c'est si, tout. Ben, ce serait bien. Il y avait le Barça ou le PSG, il vient y voir. Ben, ce serait bien. Alors, parce que ça n'a pas tiré du monde, alors que déjà vous attirez énormément de monde. Vous avez fait des matchs avec des centaines de personnes qui sont venues vous voir au profit de Via For Life. Ben, des centaines, c'est encore gentil. On a été joué au FC Liège, il y avait 3500 personnes. Ah oui. Et on en a refusé 1000 à l'entrée. Ah oui, quand même. C'est pour ça, j'espère qu'il y aura 3500 personnes ici qui vont faire au moins un don de 2 euros à chaque fois. Eh ben, on espère. On vous expliquera comment relever le défi que vous allez lancer tout à l'heure. Il y a Emilien qui est aussi autour de la table. Salut, Emilien. Philippe, il a un kicker. Philippe, il a un kicker. Et vous voulez faire. Ben, allez, installez-vous au kicker, les gars. Mes amis, vous allez voir, on va jouer au kicker. Adieu. allez vous amuser au kicker. Pendant ce temps-là, je reste quelques secondes avec Emilien. Ça va bien, bonsoir. Ça va et vous? Ben, ça va super. Alors, après la défaite contre l'équipe féminine d'Anderlecht, il y a une revanche qui va s'organiser ou pas? Qu'est-ce qui est prévu? Parce que ça s'est pas bien passé contre les filles d'Anderlecht. Oui, ça s'est pas trop mal passé, Bruno, parce que c'est quand même une équipe de haut niveau professionnel. Alors parle bien dans le micro, mets-le bien près de la bouche. C'est complètement une autre catégorie que nous, quoi. C'est un football féminin, c'est déjà pas du tout le même football que nous. Et t'as envie d'avoir une revanche? Une revanche, je pense qu'elle serait bienvenue, surtout qu'on a encore évolué depuis ce match-là qu'on a joué contre elle. Et avec Léo encore derrière pour coacher, ou il y en a marre de l'avoir dans les pattes pour vous engueuler? Non, en fait, Léo, maintenant, il nous suit, mais plus que sur les réseaux sociaux ou sur les... Il vient plus jamais nous voir ni rien. Maintenant, il nous a bien apporté. Ouais. Il a apporté une bonne physionomie à l'équipe et voilà, il a fait son bon travail, je pense. Mais je sais qu'il a suivi les émissions et que par exemple la finale, il était derrière sa télé, enfin devant sa télé, et qu'il a même appelé l'équipe pour dire qu'il était en larmes devant la télé. Carrément, parce que vous l'avez super ému. Bah oui, nous aussi, je pense qu'il y en a beaucoup de joueurs qui étaient en larmes aussi derrière ce dernier épisode-là. C'est une aventure magique qu'on a vécue tous ensemble. C'est inoubliable, mais avoir un entraîneur comme ça en plus. Ça marque, hein. Ça marque, voilà. Bah, merci beaucoup, les gars, d'être passés dans ce cube. Tu peux rejoindre les copains pour aller jouer au kicker. Je vais aller la battre au kicker. Et puis, on va essayer peut-être de se faire un match avec une balle un peu particulière. On a des boules de pétanque molles. On va se faire un petit match, on va s'organiser ça dans le cube dans un instant. Merci. Merci, les gars. C'est à suivre en direct sur Télésambre, sur le livecenter rtbf.be. On va faire un point sur le journal des défis dans un instant avec Virginie Van Quali. Juste avant, c'est Dire Straits qu'on écoute avec Calling Elvis. Viva for Life avec nos partenaires. Aqualibi pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. ça c'est de la grosse voix, c'est impressionnant. Dire Straits, Calling Elvis à l'instant dans Viva for Life sur Vivacité. Les héros du gazon sont dans le studio en ce moment, dans le cube de verre. Nous allons réaliser dans un instant, pendant le journal de 17h, un match, un vrai match de foot, mais avec une mini-balle. On va se marrer, ce sera à suivre en télé et sur le Live Center. Mais avant, le point sur les défis Viva for Life avec Virginie Van Quali. Tous les jours, vous venez nous parler de ce qui se passe, des gens qui se mobilisent pour Viva for Life. Et alors, il y a eu le tournoi de baby-foot géant aujourd'hui, ici sur la place de la Digue. C'était sur la place de la Digue. Les Zèbres contre les héros du kicker sur ce coup-là. Et c'est les Zèbres qui l'ont emporté en finale 6 à 5. Et puis, puisqu'on parle de structure gonflable, eh bien, sachez que jusqu'au 27 décembre, du côté de Braine-le-Comte, le hall des sports du parc de Champ-de-Lune s'est transformé en un gigantesque Kids Aventure. C'est un parc avec des jeux intérieurs, avec une quinzaine de structures, des châteaux gonflables, etc. C'est pour les enfants de 1 à 13 ans. L'entrée est à 7 euros, sans limite du temps. Et à chaque entrée, il y a 1 euro qui est reversé à Viva. Génial. Donc allez-y, c'est les vacances, n'hésitez pas. Et puis il y a des défis sportifs aussi. Il y a des fous qui sont partis à 5h du matin tout à l'heure depuis Dinan qui viendront nous rejoindre. Ils devraient arriver d'ici 1h, 1h30, 2h. J'ai eu au téléphone cette nuit, ouais, à 5h10, ouais. C'était leur départ. Voilà, c'est les fous des voies, où on prendra de leurs nouvelles tout à l'heure. Et puis on n'oublie pas évidemment non plus le défi de notre marraine Zazie. Oui. On compte sur vous. Hashtag défi Zazie. Exactement. Vous prenez votre main, un marqueur, un appareil photo, vous inscrivez le nom d'une personne que vous aimez au creux de votre main et puis vous prenez une photo avec votre visage. Vous nous les envoyez sur Facebook, Twitter, Instagram. Tous les réseaux sont là. Et si on y parvient, il y aura une belle surprise. Génial. Il faut qu'on y arrive. Hashtag défi Zazie, on compte sur vous. 0830 007 pour choisir la musique qu'on écoute pour la suite de Viva for Life juste après les infos de 17h. Il est 17h. Ben voilà, c'est l'heure. Découvrez la radio digitale Chansons pour Noël. Vivez les fêtes de fin d'année avec les plus grands classiques des chants traditionnels. Les plus belles reprises par les plus belles voix. Mais aussi toute la nouvelle génération d'artistes. Chansons pour Noël, disponible maintenant 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour l'écouter, rendez-vous sur vivacité.be. Il est de retour dans son costume rouge, passant de cheminée en cheminée, prêt à tout pour accomplir sa mission. En décembre, soyez prêts pour le Père Noël, le retour. BTV, Hollywoodise les fêtes et dépose sous le sapin les meilleurs films inédits et des séries exclusives, comme Cendrillon, Fast and Furious 7 et Under the Dome saison 3. En ce moment, BTV est à 24,90€ par mois pendant 6 mois. Abonnez-vous au 02 730 40 50. BTV, déchaînez-vous. Mais oui, déchaînez-vous. Offre soumise à condition. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Voici les titres de l'actualité. 1-4, victoire nette et sans appel d'Anderlecht sur le terrain du club de Bruges. Comment remettre les malades de longue durée au travail? La question est sur la table du gouvernement fédéral. Des malades qui coûtent plus cher à la société que les chômeurs complets indemnisés. En Espagne, les bureaux de vote fermeront à 20h. Ce scrutin législatif pourrait marquer la fin du bipartisme. Et puis un baby-foot géant à Charleroi pour soutenir notre opération Viva for Life. Le journal est présenté par Franck Ruel. Bonsoir à tous. Un topper à sens unique. Anderlecht émerge très nettement dans le match au sommet à Bruges. Les Mauves l'emportent 1-4. Les hommes de Michel Prudhomme humiliés sur leur terrain, même si on reparlera sans doute de l'arbitrage. Retour sur ce match avec Manu Jousse. Tous les signaux étaient au vert pour le club de Bruges avant d'entamer ce match contre le Sporting d'Anderlecht. Et pourtant, le score final est bel et bien de 1-4 pour un Sporting d'Anderlecht. La première mi-temps a été 100% à l'avantage des Bruxellois avec un but d'ouverture rapidement inscrit par Okaka après 5 minutes sur un service d'Akeampong. 0-2 après 35 minutes grâce à un tir de loin de Denis Pratt et une réaction un petit peu tardive de Sébastien Brouzeze. Et surtout, une première mi-temps complètement cafouillée par le club de Bruges avec des cadeaux en pagaille du côté de la défense. Les Brugeois logiquement ont réagi en deuxième mi-temps en se montrant plus conquérants et plus audacieux. Ils ont inscrit le but de l'espoir 1-2 via Denswil, mais le Sporting d'Anderlecht a repris le commandement dans le dernier quart d'heure. Tout d'abord sur un pénalty polémique, en tout cas 1-3 pénalty converti par Mathias Suarez sur qui on avait commis la faute. Et puis 1-4 via Denis Pratt encore qui signe donc un doublé. Beaucoup de tension, beaucoup de nervosité, beaucoup de polémique aussi autour de l'arbitrage de M. Gumieni qui aura distribué des cartes en pagaille, sifflé des pénaltys et peut-être oublié d'autres. On en reparlera forcément, mais les conséquences au classement sont les suivantes. Anderlecht recolle à 37 points au niveau du club de Bruges, tout cela en comptant encore un match de moins. Et dans une heure, la suite de cette 20e journée de championnat avec le déplacement du Standard à Ostende. Une journée qui se clôturera avec la rencontre entre la Gantoise et Courtrai. Barcelone, champion du monde des clubs pour la 3e fois. Le Barça a battu les Argentins de River Plate, le champion d'Amérique du Sud, 3-0. Et puis le Néerlandais Mathieu Van Der Poel a remporté la 4e manche de la Coupe du Monde de cyclocross à la Citadelle de Namur. Le champion du monde s'est imposé devant les Belges Wout Van Aert et Kevin Powels. Il n'y a jamais eu autant de travailleurs en incapacité en Belgique. Selon des chiffres cités par le journal De Tijd, 335 000 travailleurs sont considérés comme malades de longue durée. C'est 8% des travailleurs. Coût total pour la société, plus de 6 milliards d'euros. C'est plus que le coût des chômeurs complets indemnisés. Un tiers de ces malades de longue durée souffrent de burn-out. Alors comment éviter ce burn-out ? Solidaris avance l'idée de les faire reconnaître comme maladie professionnelle, Baptiste Tupin. Pour les mutualités socialistes, il faut s'attaquer aux racines du burn-out. Selon Solidaris, reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle permettrait déjà de responsabiliser l'employeur. Christopher Barzal, directeur de la communication chez Solidaris. Quand une maladie est reconnue comme étant une maladie professionnelle, c'est financé pleinement par les cotisations patronales. Ce qui a évidemment un effet levier sur la responsabilisation des employeurs. On se retrouve dès lors dans une logique où l'employeur, bien conscient que ça va lui coûter à lui directement, a tout intérêt à faire en sorte d'éviter le phénomène. Du côté du gouvernement, l'idée est plutôt d'affirmer que le travail est l'une des causes du burn-out, sans aller jusqu'à le catégoriser comme maladie professionnelle. Maggie De Blocq, ministre de la Santé. C'est pas une maladie professionnelle, mais c'est il y a un lien avec le travail et ça nous donne l'opportunité de prendre des mesures préventives déjà avec le fonds de maladies professionnelles. D'après Maggie De Blocq, il est difficile de prouver que le travail est la cause unique d'un burn-out. La ministre estime donc qu'il ne serait pas possible de le reconnaître comme maladie professionnelle. Les élections législatives en Espagne, à 14h, le taux de participation s'élevait à 37%, légère baisse par rapport au précédent scrutin il y a 4 ans. Les premiers résultats sont attendus vers 20h après la fermeture des bureaux de vote, mais il semble que ce scrutin pourrait signer la fin du bipartisme. En cause, l'émergence de deux nouveaux venus, Podemos à gauche et Ciudadanos au centre. Marie-Paul Jeunhomme est notre envoyée spéciale à Madrid. Oui, et avec une première surprise, puisque c'est le flou qui entoure toujours le taux de participation à la mi-journée, en légère baisse par rapport aux législatives de 2011. C'est en tout cas ce qu'indique le ministère de l'Intérieur. Mais attention, les chiffres qui viennent des différentes provinces indiquent au contraire une participation à la hausse. Et ce n'est pas la seule incertitude qui pèse sur cette journée, puisque les quatre partis en compétition, le Parti populaire et le Parti socialiste, et puis les deux nouveaux venus, se situeraient tous dans une fourchette de 15 à 30% des voix. Avec une telle configuration, difficile de prédire qui formera le prochain gouvernement. On sait que les partis devront négocier des coalitions, des alliances. Reste à voir qui prendra la main, soit la liste qui a obtenu le plus de voix, mais avec un score sous les 30%, rien n'est moins sûr. Il n'est donc pas exclu non plus que ce soit le parti arrivé en deuxième position qui tente une majorité en coalition avec d'autres. Ce serait inédit en Espagne et les derniers sondages portent Podemos en deuxième position, juste devant le Parti socialiste et derrière le Parti populaire. C'était une fausse alerte. La découverte d'un engin suspect a provoqué l'atterrissage en urgence au Kenya d'un avion d'Air France. L'appareil assurait une liaison entre l'île Maurice et Paris. Cet engin, déposé dans les toilettes, ressemblait étrangement à une bombe. Selon le PDG d'Air France, il s'agissait d'un ensemble composé de cartons et d'une espèce de minuteur. Des frappes aériennes, sans doute menées par des avions russes, ont tué des dizaines de civils ce dimanche dans le centre d'Idlib, une ville contrôlée par les rebelles dans le nord-ouest de la Syrie. Selon les services de secours et des habitants, au moins 6 frappes ont visé un marché très fréquenté du centre-ville, ainsi que plusieurs bâtiments gouvernementaux et des quartiers résidentiels. Les services de secours confirment la mort de 43 personnes, mais il y aurait encore de nombreux corps sous les décombres. Les habitants redoutent une intensification des bombardements russes. La province d'Idlib est contrôlée par le front al-Nosra et d'autres groupes rebelles syriens, régulièrement frappés par l'aviation russe. C'est une question qui fait débat dans le sud de l'Italie. Faut-il, oui ou non, abattre des oliviers, parfois plusieurs fois centenaires? Des oliviers atteints par une bactérie tueuse, la Xylella. Pour la justice italienne, rien ne prouve que l'éradication de ces arbres séculaires permet d'arrêter l'épidémie. Des magistrats ont même décidé de poursuivre des scientifiques tout en décidant de s'opposer aux décisions européennes. Le point avec Valérie Dupont. Le spectacle est de plus en plus affligeant. Des hectares entiers d'oliviers aux feuilles totalement jaunies par la maladie ou encore des champs d'oliviers séculaires rasés au sol pour respecter les ordres de l'Union européenne qui a demandé à l'Italie de détruire à terme 10% des 11 millions d'oliviers dépouilles pour éviter toute propagation de la bactérie en France et en Espagne. Malgré tout cela, la Xylella fastidieuse, une bactérie d'origine sud-américaine, n'en finit pas de se propager dans le talon de la botte italienne. Saisie par certains producteurs d'huile d'olive, la procure de Lecce a décidé de suspendre tout abattage, estimant que les scientifiques et les responsables politiques ont eu une approche trop univoque par rapport au problème et que l'éradication des arbres a seulement ruiné la beauté du paysage sans arrêter la diffusion de la bactérie. 10 personnes, dont des scientifiques et des chercheurs, sont poursuivies, mettant ainsi en doute la stratégie européenne et permettant, selon certaines associations de défense de l'environnement, de finalement chercher une nouvelle approche pour défendre l'immense patrimoine végétal du sud de l'Italie. À Rome, Valérie Dupont pour la RTBF. À Charleroi, à la place de la digue et l'opération Viva for Life, à l'heure du foot ce dimanche, une partie de kicker géante a mis à contribution l'équipe première du Sporting de Charleroi, présente au complet pour soutenir l'opération de vivacité. Le reportage de Luciano Arcangeli. Les joueurs et le staff du Sporting de Charleroi au grand complet sur la place de la Digue à Charleroi, cela fait partie du travail de ces sportifs professionnels privilégiés dans une certaine mesure et qui ne doivent pas perdre de vue que face à eux, il y a une ville et des supporters qui peuvent connaître des difficultés financières. Felice Mazzu, le coach des Zèbres, en est bien conscient. C'est très important que tout le monde soit là, tout simplement pour essayer de donner un peu plus de bonheur que ce qu'on donne sur le terrain pour le moment. On a la chance d'exercer un métier qui finalement est une passion. On a la chance de gagner notre vie grâce à cette passion et c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Et donc on veut accompagner une cause comme celle-ci. Je pense que c'est important que les joueurs soient touchés par rapport à ce type de cause. Oui. Dans l'équipe, Roman Ferber, un jeune attaquant qui il n'y a pas si longtemps était encore apprenti maçon, contraint de gagner sa vie loin des stades. Rayonnant, il tenait à être présent pour soutenir ses supporters. La pauvreté, vous savez que ça existe ? Bien sûr. Il y a 2 ans d'ici, j'étais dans le bâtiment. Je sais quoi d'être privilégié en étant joueur de foot aujourd'hui professionnel. Donc je sais ce que j'avais avant, je sais ce que j'ai aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'on est privilégié. Allez, viva for foot alors ! Et viva for foot et viva for life ! Une opération qui aura réuni un petit millier de personnes face au podium de Viva for Life. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, on retourne place de la Digue à Charleroi. Adrien Domay pour un point RTBF Mobile Info à 17h10. Y a-t-il des soucis en ce dimanche, Adrien ? Pas trop de soucis. Notons tout de même un accident sur le 411 dans le sens Namur vers Arlon. C'est peu avant Vierde que l'accident s'est produit. C'est la bande de droite qui est en travers autour du kilomètre 59. Attention, le trafic ralentit à cet endroit vers Arlon. Trafic ralenti également en cet après-midi sur le 42 Liège-Mons. Sur le tronçon entre Gosselies et Courcelles, il y a une zone de travaux à cet endroit. C'est en direction de Mons. Après vous être farci les embouteillages, offrez-vous de bonnes petites cailles chez Intermarché. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Chez Cora, c'est tous les jours dimanche, surtout le dimanche 20 décembre. Bah oui, puisque nous sommes ouverts. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Viva for Life. Viva for Life. Avec Cyril. Et Sébastien qui s'est réveillé. Ça va, Seb ? À fond la caisse. Prêt pour attaquer Une soirée d'enfer. Ah oui, ce soir, ça va être énorme. Tu sais pourquoi je suis motivé? Dis-moi. Regarde le compteur. 74 heures. On approche de la moitié. Exactement. À 72 heures, on sera tout pile à la moitié. Tout donc, à l'heure, pendant l'émission, on va décompter. On va commencer à décompter. Et grâce à vous, on tient, grâce à vous, on récolte un maximum d'argent. 0800 30 007. Tu parlais de la soirée tout à l'heure. Soirée spéciale. On va se marrer ce soir. Tu sais ce que c'est ce soir? Vinyle. Les vinyles, ouais. Ça, ça me rappelle le début de la radio avec les platines techniques. T'as lancé ça? Oui, il fallait caler le disque, sinon ça commence en faisant. Avec un quart de tour. Ouais. Avec un quart de tour. Ah oui, le bonheur total. Ça, ça va être gai. Vous allez pouvoir choisir des vieux morceaux et des actuels aussi, mais faites-vous plaisir avec des vieux morceaux si vous avez des souvenirs. 0830-007. Et qui va être aidé, là, tu vois? Ah ouais, mais vraiment. Magnifique. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de venir jusqu'ici, vous appelez le call center pour dire tiens, ce soir, j'aimerais entendre ça. 0830-007. Et si vous êtes dans la région de Charleroi ou même si vous venez d'ailleurs, venez ce soir avec vos vinyles. On les passera par la boîte aux lettres, on aura les platines qui seront installées ici, on passera votre vinyle et puis on vous le rend juste après. Comment on va mettre les platines? C'est déjà le bordel sur cette table. Oh, on n'est plus à ça. Oui, on n'est plus à ça. Un objet de plus, hein, non, sur cette table. Vos dons sont importants. 80 000 enfants comptent sur vous et ils sont sous le seuil de pauvreté. C'est un enfant sur quatre à Bruxelles et en Wallonie, c'est beaucoup trop. On va pas résoudre le problème en une fois, ça c'est sûr, mais si on peut diminuer ce chiffre grâce à vous, bah, c'est déjà énorme. 0800 30 007, on compte sur vous pour choisir la musique, on compte sur vous pour faire des virements également sur le compte BE35 8x0 37 37 ou alors il y a encore le numéro de SMS 40 01, le montant, non, d'abord le numéro de compte. Compte en espace et le montant. On est fatigué un petit peu, un petit peu, un petit légèrement peu. Il y a Sandra qui a demandé d'écouter We Will Rock You de Queen, elle a donné 15 euros pour ça. Bah, c'est super gentil, merci beaucoup Sandra. On ajoute ça à la cagnotte. J'ai choisi cette chanson car je l'aime bien, elle me met l'ambiance. Je trouve également important de faire un don pour les enfants qui ont moins de chance que nous. Merci Sandra. Viva for life. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you, c'était Queen à l'instant sur Vivacité, Viva for Life sur Télésambre aussi, on est en direct. Merci à tous les carolos qui nous soutiennent aussi en télé donc, et vous toutes et vous tous sur le Live Center sur Vivacité, sur vivaforlife.be. Il y a le défi de Benjamin ce soir. Oui, il est dans... Je suis né à Libramont, donc j'espère qu'il va réussir son défi. Il est là-bas pour un mémorial Van Damme. Un peu particulier, ouais. Ardennais. Il nous en parle juste après la pause. Avec Mobistar, allons-y pour plus de partage avec votre famille grâce à nos super smartphones 4G à seulement 29 euros avec Dauphin 25. Mobistar. So cooking. Un plat qui mijote, quelques épices et un Pinot des Charentes. Pinot des Charentes, à savourer tout en sagesse, blanc, rouge, rosé. Vivacité et Tour de Site Organisation présente Christmas Lights, le conte de Noël en vidéomapping à l'intérieur de la Bourse de Bruxelles. Découvrez le Bruxelles de la Belle Époque en trois dimensions. Assistez chaque soir à cette féerie du 26 novembre au 3 janvier dans la Bourse. Info tourdesite.be avec plaisir d'hiver, l'avenir, Télépro et la Loterie Nationale. Vous aimez ce titre? Vous pouvez vous l'offrir. Surfez sur vivaforlife.be. Devinez qui je suis. Oui, c'est Benjamin Maréchal. Dites, j'interromps encore la pub, parce que Viva for Life a un dernier défi à relever à Liège. Eh ouais, c'est exactement là que tout a commencé. J'ai vu cette semaine que je pouvais compter sur vous, mais je préfère vous redemander un petit coup de main. Il me faut un maximum de monde. À partir de 18h, à la place Saint-Lambert de Liège, c'est pour Viva for Life. Est-ce que vous serez là? Parce que nous, on sera là. Mais si vous êtes là, prenez un sou. Merci. Liquidation totale avant déménagement chez Timistère à Herve. Moins 30% sur toute la collection hommes et moins 40% pour les femmes. Dépêchez-vous. Ouverture les dimanches 27 décembre et 3 janvier. Timistère, Outrecours à Herve. Avec des défis, vous savez, dans Viva for Life tous les jours, Benjamin est sur le Viva for Life Tour. Il relève des défis grâce à vous. Benjamin, vous êtes à Libramont aujourd'hui. C'est extrêmement difficile à organiser, hein, une course à obstacles. Alors nous sommes dans le Libramont Congress Center. Pour tout vous dire, on a quelques soucis d'organisation sur notre parcours parce que nous avions, dans les différents obstacles que nous installons, nous avions prévu une piscine et la première piscine a crevé. Ce qui veut dire qu'on a dû écoper dardard. C'est le caméraman Bastien et l'homme qui est chargé, Jeff, qui est chargé des moyens de transmission technique, qui ont écopé cette piscine pour transvaser ça dans une deuxième piscine gonflable de secours que nous avions. Donc ça a été un premier souci d'installation. Pour la suite du parcours, je peux déjà vous annoncer que nous allons donc commencer par un enjambage de ballots de paille. Ensuite, nous serons dans une forêt de sapins. Ah oui. Il y aura un moment d'acrobatie sur le bar qui est installé ici dans le marché de Noël. Ensuite, nous devrions traverser un mur de feu avant la ligne d'arrivée où un arrosage au champagne est prévu. Mais à ce stade, il nous reste 1h30 pour être prêt pour le direct de la télévision, pour l'émission Viva for Life en télé sur la Une. Il nous reste 1h30 et on n'est qu'aux 3/4 de l'installation. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est difficile de se frayer un chemin et on n'est que 6 pour faire ça. Donc je dois vous dire qu'on est très enthousiaste à l'idée de vous proposer dès 18h un parcours que vous pourrez tester. Mais pour l'instant, on n'est pas prêt. Concrètement, est-ce que les gens autour de Libramont peuvent venir vous aider? Est-ce que vous avez encore besoin de quelque chose, Benjamin? Alors au niveau de l'aide, merci, vous avez fait tout ce qu'il fallait en nous donnant le matériel ou les bonnes adresses. Ce qui nous manque maintenant, c'est vraiment sur le site des bras, mais c'est des bras dans les 15 prochaines minutes dont on a besoin. Alors donc, si vous êtes juste à côté, si allez-y. Si vous écoutez en ce moment, que l'enjeu pour vous, c'est de venir tout à l'heure en short et en tenue sportive pour faire ce parcours et mettre de l'argent dans la tirelire de Viva for Life. On compte sur vous aussi sur le Benjamin Tour, le Viva for Life Tour, et on suivra ça tout à l'heure en direct sur la Une en télé entre 18h30 et 19h20. Merci beaucoup Benjamin et toute l'équipe qui est autour de vous pour ces défis réalisés tous les jours. Ils vont passer une barrière de feu quand même. C'est un truc de dingue. On n'a peur de rien pour Viva for Life. Mais peut-être que Benjamin a peur. Oui, il ne le dit pas. On regardera ça en direct tout à l'heure. Voici Stromae. Alors, on danse. Demandé par Anne, c'est 40 euros en plus. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse. Alors on danse, alors c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Ça c'est tout le problème. Les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais si ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Merci à Anne de Wavre qui a demandé d'écouter Stromae. Alors on danse, elle a donné 40 euros pour ça. Une autre manière de donner pour Viva for Life, c'est d'utiliser l'application Storygram. C'est nos amis de Proximus qui nous soutiennent. À chaque fois que vous balancez un Storygram, vous versez 50 centimes en fait à Viva for Life. Le principe est simple, vous téléchargez l'application, vous choisissez une petite animation sur l'application, c'est pour envoyer des cartes de vœux en réalité, et vous ajoutez une petite photo. Tout ça part sur le site Storygram de Proximus, et c'est 50 centimes pour Viva for Life à chaque fois. On compte sur vous pour le faire. Et la suite de la musique, c'est The Cousins, Killy Watch qui arrive. Oh, ça va être bien ça. Et c'est 100 euros qui tombent dans la cagnotte Viva for Life grâce à Marie de Herpan qui a demandé ce morceau. Viva for Life avec nos partenaires. Aqualibi pense à tous les enfants et soutient Viva for Life. Red Market, vos courses moins chères, rapides et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Viva for Life. Killy Watch. Killy Watch. Killy Watch. Killy Watch. Killy watch, killy killy killy killy watch, watch watch watch. De yon ken de yaba, ali achalma poli watch, ali achalma poli watch. Killy killy killy killy watch, watch watch watch. De yon ken de yaba, ali achalma poli watch, ali achalma poli watch. Killy Killy Watch de Cousins à l'instant sur Viva for Life. Vous continuez à choisir la musique. 0800 30 007, c'est une façon de faire un don. Vous pouvez venir aussi à la boîte à dons. Et justement, Sébastien, t'es juste devant la boîte à dons avec quelqu'un avec toi. Ouais, je suis avec Didier devant la boîte aux lettres qui me racontait un peu son histoire et qui me disait que c'était pas facile tous les mois parce que. Est-ce qu'on peut dire que tu es concerné complètement par la cause de Viva for Life? Vraiment, oui. À quel point de vue, raconte? Mais en fait, j'ai eu un grave accident de travail. Ouais. Et maintenant, ça fait 17 mois que je me bats. Après 20 ans de travail, je suis vraiment dans la misère. Donc, je touchais 1007-1008 par mois. Mm-hmm. Et ici, maintenant, je me retrouve avec 920 euros par mois. Pour payer tout? En fait, l'assurance veut me verser un taux de 8% d'incapacité, ce que je suis en train de refuser, et la mutuelle... Donc, en gros, 900 euros par mois. 920 euros par mois. T'as des enfants ? J'ai deux enfants, un enfant de 9 ans et demi, ouais. Et une fille de 14 ans bientôt. Et comment ça se passe tous les jours, alors, avec eux ? C'est vraiment difficile, surtout que je suis propriétaire, donc j'ai été voir au CPS aussi. J'ai le droit à rien parce que je suis propriétaire, sinon ils reprennent la maison. Ici, j'ai ma chaudière qui vient de lâcher. Ouais, donc c'est des frais qui... Heureusement, j'ai le poêle à pellets qui fonctionne. Mais ça veut dire quoi, 900 euros, quand t'as tout payé, les factures, le remboursement de la maison, quand t'as payé la nourriture, quand t'as... Il me reste 220 euros pour faire le mois. Facile ou pas ? Pardon ? C'est facile ? Non, vraiment pas. Et comment on fait pour que les enfants ne pâtissent pas de ce genre de situation ? Moi, je me prive de tout et je fais le maximum pour eux. Donc, quand tu dis que tu te prives de tout, ça veut dire quoi ? Tu sautes des repas, clairement ? Non, des repas, je saute pas, mais ça manger, j'arrive à me débrouiller. J'ai des gentils beaux-parents. Ouais. Donc, mais ce qui est dur, c'est voilà, on n'a plus d'hobby, on n'a plus rien. Exclusion sociale, on pourrait dire ça comme ça ? Oui, bon, moi, je suis courageux, je me bats, mais ça devient très, très dur à soutenir, j'en peux plus. Et tu as quand même le courage de trouver un petit peu d'argent pour faire un don ? Oui, j'ai donné quand même 20 euros, je me suis sacrifié parce que je sais ce que c'est et ça me tient à cœur. C'est des témoignages comme ça, tu vois, Cyril, qui font que voilà, on a envie de se décarcasser, nous, encore pendant les 73 prochaines heures et dire aux gens que ça peut arriver. Ici, c'est un accident de parcours tout bête, une perte de boulot. Et ça peut arriver à n'importe qui, c'est ça qui est dingue. Mon patron n'a rien eu, il m'a donné un licenciement de 5 semaines. Et demain, je passe chez le médecin conseil de la mutuelle, mais qu'on m'annonce qu'on va peut-être me mettre dehors. Didier, s'il y a un message à faire passer aux gens qui nous écoutent et aux gens qui peuvent donner pour cette opération Viva for Life, t'as envie de leur dire toi qui es complètement concerné ? D'essayer de continuer à se battre et d'essayer de... On m'a toujours appris de toquer à plusieurs portes et qu'un jour, il y en aura bien une qui s'ouvrira. Faut être philosophe, à ce stade-là, il faut être philosophe. C'est ce que je pense. Et je regarde votre émission tous les jours parce que je l'adore. Et ça me fait bizarre. Merci de Didier. Vous voir en vive voix. Merci pour ce témoignage, Didier. Merci pour avoir fait ce sacrifice et mettre un petit don dans la boîte aux lettres. Et courage. Et pour aider des familles comme celle de Didier, 0830 007, on compte vraiment sur vous. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Avec la banque CPH, prenez le temps de la météo. Banquecph.be. Cette année, il y a de la magie en dessous de votre sapin. Faites toujours plaisir. Offrez un coffret cadeau du Château des Thermes de Chauxfontaine. C'est tellement facile de ne pas se tromper. Château des Thermes. Château des Thermes. Commandez sans tarder. Toutes les infos sur châteaudesthermes.be. Elle est célèbre depuis plus d'un siècle. Elle détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement votre intérieur. La lampe Berger sera pour les fêtes l'invité d'honneur des magasins Sélection au passage Le Monnier à Liège et rue du Collège à Visé. En cristal ou en pâte de verre, en porcelaine ou en faïence, la collection la plus large des lampes Berger sera chez Sélection pour vous apporter un choix idéal de cadeaux de fin d'année et à un prix très raisonnable. Maison Sélection à Liège et à Visé. Vivacité, le journal des sports. Arnaud, bonsoir tout le monde, Arnaud Montero avec vous. Coup de massue mauve à Bruges, le club s'est incliné pour la première fois à la maison cette saison. Défaite 1-4 contre Anderlecht. Bruges avait gagné tous ses matchs à domicile pour le moment. 9 victoires d'affilée, mais cette belle série est terminée. Et de quelle manière le Sporting d'Anderlecht a battu 1-4, donc on est et le on prendra aussi le bonheur, excusez-moi, on termine le tapis. Donc le Sporting de Charleroi, lui, ne mérite pas de disputer les play-offs 1. La phrase est de Felice Mazzu, l'entraîneur des Zebs, nous l'a redit cet après-midi. Et puis elle cartonne, normal, elle s'appelle Louise Carton. Vous entendrez le portrait de la championne d'Europe espoir de cross-country. Vous aurez aussi des nouvelles d'un miraculé, le coureur cycliste Chris Boekmans. Bruges avait gagné tous ses matchs donc à domicile pour le moment, 9 victoires d'affilée, mais cette belle série est terminée et de quelle manière le Sporting d'Anderlecht a battu Bruges 1-4, déchaîné en début de match. Les Bruxellois menaient déjà 0-2 à la mi-temps grâce à des buts de Okaka et de Pratt. Puis Anderlecht a nettement baissé le niveau en seconde période, Denswil en a profité pour réduire l'écart. Ensuite Bruges a pas mal gaspillé, l'arbitrage de M. Goumini ne l'a pas aidé non plus, le but de Vormer a été injustement annulé. Et en fin de match, Anderlecht en a profité pour alourdir le score avec des buts de Suarez sur pénalty et de nouveau de Prat. On écoute l'Anderlechtois Guillaume Gillet. Il était très heureux après la rencontre. Quand on voit les dernières semaines qu'on a passées, c'est un peu difficile. Venir gagner ici à Bruges d'une aussi belle manière, c'est super pour tout un club. C'est surtout, c'est vrai, la première mi-temps qui a été d'un très bon niveau. On a eu beaucoup d'opportunités, on a été efficace. On a pressé cette équipe de Bruges et voilà, c'est assez rare de venir ici, de jouer aussi bien, de mettre cette équipe autant en difficulté. Alors justement, à cause de quoi Bruges a perdu ce soir? Écoutez la réponse de l'entraîneur de Bruges, Michel Preud'homme. D'abord à cause de nous, hein. Je crois que quand on joue une première mi-temps comme on a joué, on ne peut pas revendiquer beaucoup. On sait ce qu'Anderlecht a fait dans le passé, c'est-à-dire, moi j'appelle ça un peu du bluff, mais ça veut dire venir à Bruges et dire on va mettre la pression très haut directement. Donc on sait ce qu'on doit faire, on se prépare à ça et on se fait malgré tout prendre dans la vitesse d'exécution, dans les duels, dans la vivacité. Simplement, si Anderlecht commence comme ça, il faut faire le gros dos et laisser passer ça, mais certainement pas de mener 0-2. Comme on a joué en première mi-temps, c'est une catastrophe. Des interviews signées Manuel Jousse. Au classement, Anderlecht revient à la seconde place à hauteur de Bruges, mais avec un match en moins pour les Bruxellois. Et puis à 18h, le Standard se déplace à Ostende. Le Standard qui se déplace à la côte avec le plein de confiance, avec 7 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. On a vraiment l'impression que les Liégeois sont intouchables pour le moment. Mais attention évidemment aux Côtiers qui sont 3e au classement et qui sont toujours redoutables à domicile. Un match entre le Standard et Ostende que vous pourrez suivre en direct, non pas sur Vivacité, mais sur le site sport de la RTBF. Pascal Chimet vous retrouvera en direct là-bas sur le site sport. Et puis Thierry Luthers fera aussi régulièrement des inserts dans Viva for Life. Une 20e journée qui rime vraiment, cette fois avec gueule de bois pour le Sporting de Charleroi. Les Carolos se sont inclinés hier soir 2-1 chez la Lanterne Rouge Westerlo. Alors aujourd'hui, pour oublier, ils étaient justement place de la Digue à Charleroi pour faire un kicker géant en faveur de Viva for Life. Une bonne façon d'oublier la défaite, mais aussi pour l'entraîneur Felice Mazou de redire et de rappeler que son Sporting ne mérite pas actuellement de disputer les play-offs 1. Quand on voit la manière dont on a évolué pendant 60 minutes hier et les manières dont on a évolué pendant 40 minutes contre Louvain, est-ce que c'est judicieux de parler de play-off? Au fond de nous-mêmes, c'est sûr que tout le monde a envie d'y arriver. On doit s'accrocher, on doit mettre en place des valeurs de caractère, de grosse envie, de travailleurs et d'ouvriers, surtout dans le sens noble du terme. Oublier qu'on est entre guillemets soi-disant des stars, parce que c'est la meilleure façon de tomber et c'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. Interview signée Luciano Arcangeli. À l'étranger, Barcelone est sur le toit du monde. Les Barcelonais ont gagné pour la 3e fois de leur histoire le Mondial des clubs. Victoire 0-3 cet après-midi face aux Argentins de River Plate. Messi et Suarez deux fois sont les buteurs de la rencontre. Et puis Pep Guardiola dira au revoir au Bayern de Munich en fin de saison. L'entraîneur espagnol se cherche un nouveau challenge. Les dirigeants bavarois, eux, lui ont déjà trouvé un successeur. Il s'agit de l'Italien Carlo Ancelotti. Cet après-midi, c'était la manche bruxelloise de la Cross Cup et au rayon attraction, on retrouvait la toute récente championne d'Europe Espoir, l'Ostendaise Louise Carton. Au bord du parcours, il n'y en avait quasiment que pour elle, comme a pu le constater Gaëtan Van Kerkom. Ça ne fait aucun doute, Louise Carton cartonne auprès des futures championnes. Et pour les responsables d'un sport comme le cross-country, qui a souvent du mal à se vendre, c'est une aubaine. Jos Van Rooy, le patron de la Cross Cup, est ravi. Pour nous, c'est vraiment un grand cadeau, parce que la Belgique, c'est un petit pays. Hein. Avoir un athlète de ce niveau, ça ne se passe pas chaque année. Hein. Louise sera un exemple pour toute la jeunesse. Une jeunesse admirative, selfie et autographe, Louise Carton ne passe pas inaperçue. C'est un peu bizarre, mais c'est positif. Je pense que je peux être un exemple pour les autres athlètes. Oui. Et une ambassadrice de rêve pour le cross-country, car elle, qui est déjà qualifiée pour les Jeux de Rio sur la piste, n'a qu'une seule recette. Si j'aime le cross, oui, vraiment, ça me donne de la force pour l'été. C'est idéal pour combiner avec le 5000 mètres à la piste. Donc, oui, j'aime. Et moins de 23 ans, Louise Carton. Et même l'inoxydable Verle de Jagereux, qui a remporté 13 fois le challenge de la Cross Cup, passe le témoin avec respect. Oh, elle court très bien. Elle est agressive. C'est une athlète, une très grande athlète, je pense. Et Louise Carton a terminé 4e cet après-midi à Bruxelles, première au classement espoir. Elle garde la tête du général de la Cross Cup après cette course remportée par l'Irlandaise Brayton. Chez les messieurs, la victoire est revenue à l'Éthiopien Damé Tassama. Et puis toujours dans la boue, mais en cyclocross, le champion du monde Mathieu Van Der Poel s'est imposé cet après-midi lors de la 4e manche de la Coupe du Monde. Ça se passait sur les hauteurs de la Citadelle à Namur. Van Der Poel a devancé les Belges Wout Van Aert et Kevin Powels. Et puis loin de la boue cette fois, l'équipe cycliste Lotto Soudal vient de revenir de son stage au soleil à Majorque. Et parmi les 26 coureurs présents, on retrouvait Chris Boekmans. Il a été victime d'une terrible chute lors du dernier Tour d'Espagne. Boekmans était même encore dans le coma il y a 3 mois. Le reportage est signé Kevin Papen et Françoise Aliski. Boekmans avec juste derrière lui Gianni Meersman. Gianni Meersman qui déborde sur la droite de la route et hop là, ça va jouer un peu de choses. Mais je peux vous confirmer la victoire du coureur de Lotto Soudal. C'est bel et bien Chris Boekmans qui s'impose devant. Une victoire au Grand Prix Samin, une autre sur la Nokere course, des succès aussi au Tour de Picardie et à la World Sports Classics. À 28 ans, Chris Boekmans réalisait sa meilleure saison jusqu'à cette 8e étape de la Vuelta le 29 août dernier. Chris Boekmans tombe dans un trou alors qu'il buvait dans son bidon. La chute est terrible et ses conséquences aussi. Traumatisme crânien sévère, multiples fractures au visage, 3 côtes cassées, pneumothorax et hémorragie dans les poumons. Le coureur de la Lotto Soudal est resté presque 2 semaines dans le coma artificiel. Aujourd'hui, c'est donc une première victoire de le voir participer au stage de son équipe dans les Baléares. Pour autant, le médecin Servaz Bingé, qui le suit au quotidien depuis cette chute, ne veut pas parler de miraculé. Ce n'est pas un miraculé parce que la condition avec laquelle il a tombé était parfaite. Donc le corps de Chris était en condition parfaite pour commencer à battre contre les fractures, contre les soins intensifs. Sa condition a aidé Chris Boekmans à se reconstruire, mais le coureur a quand même oublié 1 mois de sa vie et perdu 15 kilos suite à sa longue hospitalisation. Aux côtés d'un physiothérapeute, il a donc dû réapprendre à manger, parler et marcher avant d'entamer le véritable travail de reconstruction. C'était vraiment difficile, je ne pouvais même pas regarder la télévision ni écouter la radio. Ma vie a évidemment changé après cet accident, même si moi je n'ai pas l'impression d'être devenu quelqu'un de différent. Mais je dois m'adapter, m'entraîner d'une manière différente. C'est un chemin obligatoire, une période de guérison et de reconstruction. À Majorque, Chris Boekmans ne s'entraîne d'ailleurs pas tout à fait comme ses coéquipiers. Il bénéficie d'un programme particulier et roule maximum 2h30 par jour, en partie seul et en partie avec le groupe. Ce qui est déjà très bien aux yeux du manager de l'équipe, Marc Sergent. C'est pratiquement incroyable comment il récupère. Il est déjà ici, il s'entraîne déjà pas mal avec nous autres, mais bon, le premier part de la récupération, ça va vite, c'est le dernier 10%, ça devient plus lentement, donc on doit avoir patience. Une fois que Chris Boekmans aura retrouvé toutes ses sensations, il lui faudra encore vaincre ses peurs sur un vélo, un aspect psychologique primordial pour faire de la compétition. Servaz Bingé, médecin de l'équipe Lotto. Il n'a pas peur de rouler seul, mais on n'a jamais était dans une situation en course. Donc on est déjà aussi en train de parler avec lui, avec des psychologues, le mental coach de l'équipe, et il a son psychologue aussi qui font le meilleur best pour éviter les problèmes au futur. Et le futur, Chris Boekmans l'imagine au cœur du peloton, ce sera au plus tôt au mois de mai 2016. Et pour terminer ce journal des sports, rien que pour vous, Cyril, voici les encouragements des supporters de Moucron. Ils ont été captés hier soir par Samuel Drulois pour Viva for Life. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. De 14h à 18h avec Cyril. Et vous faites vos dons toujours et encore, 0830 007. Il vous reste 73h, 33 minutes et 23 secondes pour aider les 80 000 enfants, les familles qui sont sous le seuil de pauvreté à Bruxelles et en Wallonie et qui comptent sur vous. C'est 1 enfant sur 4 qui ne vit pas comme il devrait, dans les conditions qu'il devrait connaître. On compte sur vous, vous choisissez la musique, vous faites un don. Et d'ailleurs, dans un instant, Bryan Adams, Everything I Do, très belle chanson qui a été demandée plein de fois, et par exemple par Stéphanie de Burdine qui nous a donné 5 50€. Merci à vous, Stéphanie. C'est au 0830 007 que ça se passe, mais également sur la place de la Digue. Vous venez nous voir, vous venez faire des dons ou faire des témoignages. Sébastien, on te retrouve à la boîte à dons, justement à la boîte aux lettres du Cube. Ici, place de la Digue, ils sont vraiment nombreux et on rencontre des gens assez, assez touchants à la boîte aux lettres. Il y a Geneviève qui est avec nous. Bonsoir Geneviève, vous m'entendez Geneviève? Geneviève, on parlait justement avant, pendant le journal des sports, vous avez aussi un parcours qui est assez, assez compliqué. Oui, très compliqué. Maintenant, je suis supprimée des allocations de chômage depuis janvier 2015. Malheureusement, suite à un parcours professionnel très chaotique, je touche maintenant les allocations du CPAS qui sont à 760€ par mois. Et avec 760€ par mois, on sait faire quoi ? C'est très difficile à vivre. Hein. Bon, maintenant, moi, j'ai un petit garçon qui a bientôt 12 ans, qui est chez son papa, heureusement. Lui, qui est quelqu'un de... qui assume toutes les charges, ouais, de mon fils. Mais j'aimerais quand même dire à mon gamin que malgré tout, même si je ne gagne pas beaucoup d'argent, je fais tout ce que je peux pour le rendre heureux. Excellent. Et que je l'aime malgré tout, même si... Ça veut dire, Geneviève, que vous avez dû faire le choix et de dire... De remettre mon fils chez son papa. Parce que c'était pas possible, vous n'auriez pas pu... vous n'auriez pas pu... L'assumer. Je ne savais plus financièrement, je ne savais plus. Et donc j'ai fait un choix, peut-être... chacun en pensera ce qu'il veut. Moi, je sais que mon fils, il est chez son papa, que c'est quelqu'un qui est bien. Et chez son papa, il est bien. Il est en bonne santé, il est bien élevé. Et moi, j'ai fait ce que je peux pour... Il a 12 ans, il comprend la situation. Je lui en parle, oui. Parfois je lui demande si... Oui, je lui explique tout, je lui explique que maman, elle est difficile, que... Il comprend beaucoup de choses. Et c'est pour ça que vous êtes ici et que vous trouvez un peu de temps, même avec le peu d'argent que vous avez par mois, de glisser un petit billet dans la boîte aux lettres. Oui, voilà, tout à fait. Tout c'est important. Que je l'aime et que c'est mon fils et que je ferai tout exactement ce qu'il faut pour le rendre heureux. Même si l'argent, c'est important. Peu de choses. Oui, mais c'est important quand même pour pouvoir même élever les enfants dans des situations... Mais bon, l'amour pour moi, c'est dans mon cœur et c'est tout. Merci pour votre témoignage. J'espère que c'est ce genre de témoignage, Geneviève, qui va aider peut-être les gens qui nous écoutent à verser de l'argent. 0800 30 007, Cyril, c'est vrai que c'est ce genre de témoignage. On en a étrangement beaucoup aujourd'hui et c'est un peu... Mais c'est pour ça qu'on se bat. Là, on arrive à la mi-parcours. Il reste 73h30. On arrive à la mi-parcours dans ce grand marathon de Viva for Live. Et on va se donner. Moi, quand je vous entends, Geneviève, j'ai juste plus envie d'aller dormir. Et j'ai juste envie de dire aux gens, donnez, parce que ce genre de situation est intolérable pour vous, maman. Forcément, ça doit être super dur à vivre de se dire, il faut laisser l'enfant au papa qui a plus de difficultés. J'ai envie de vous embrasser, mais il y a une vitre entre nous, mais le cœur y est. Merci, bon courage. Merci. Et bonne fête de fin d'année. C'est peut-être merci, un peu bizarre de dire ça comme merci. Ça, mais bonne fête de fin d'année quand merci même. Merci à vous aussi. Voilà, 0800 30 007. On ne le répétera jamais assez. vivaforlife.be pour toutes vos demandes de disques et tous vos dons. La musique est une fête, la musique a du cœur, on la partage. C'est difficile, cette opération est difficile, mais on a envie de se battre quand on entend ce genre de choses. Look into my eyes. Take me out. You know it's true. Everything I do. Bryan Adams, Everything I do it for you, titre demandé plein de fois, par exemple par Stéphanie, une au hasard, qui a fait un don de 50 euros pour l'action Viva for Life. Et il y a quelqu'un qui nous rend visite dans le cube de verre installé ici, place de la Digue à Charleroi. Steve Radu, directeur commercial et communication chez Solidaris, avec sa petite puce Camille. Bonsoir, bienvenue, installez-vous. Bonsoir Camille. Essaye de t'asseoir. Ah oui, t'es pas très grande, donc papa va devoir t'aider à monter sur le tabouret. Papa va prendre le micro d'à côté ou le micro là, voilà, ça c'est bien. Elle est venue avec un petit nounours et vous êtes venue avec un chèque. Alors rapide constat de la précarité et le positionnement de Solidaris par rapport à l'action Viva for Life. Nous, c'est une thématique qui nous touche énormément parce que la précarité, ben, on la voit et on la côtoie tous les jours. Mm-hmm. Donc, quand vous nous avez sollicité pour être partenaire, nous, on a répondu directement. Ouais. Ça nous touche et les valeurs que vous portez, on les porte également. Alors, on a réfléchi évidemment à faire un défi qui ait du sens et un défi qui soit porteur et auquel les gens puissent adhérer. Et ce défi, c'est le Doudou for Life. Doudou for Life, oui, Doudou le voilà. Donc on explique à tous ceux qui nous entendent en radio, les autres, on les convie à aller sur le Life Center pour voir un peu ce qu'il y a. Camille, c'est quoi ce doudou? Tu sais nous expliquer? On va donner le micro, papa s'il peut tendre le micro à Camille. C'est un loup. C'est un loup, il est beau le loup, hein? Oui. Ah, il est beau. Et alors il sert à quoi ce loup, tu sais me dire? Non, papa va te le dire alors. C'est quoi cette opération Doudou for Life? Tout simplement, comme vous le savez, quand on est papa, quand on met coucher ses enfants, on discute souvent de ce qu'on a fait de la journée. Ouais. Voilà, et mes filles m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais écoute, on va faire quelque chose pour Viva for Life. Tu vois, de temps en temps, quand on allume la télé le matin, on les voit. Ouais. Ah oui, je vois. Et voilà, on va faire quelque chose pour les enfants qui vivent dans la précarité. Donc ça, évidemment, elle a eu du mal à comprendre, donc je vais expliquer. Voilà, des enfants qui n'ont rien. Saint-Nicolas sont compliqués, pas de vacances. T'as certains petits camarades à l'école, tu les qui vont pas en excursion. Voilà. Par exemple, exactement. Ce genre de choses, ouais. Elles m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ben je réfléchis. Mais et vous? Qu'est-ce que vous feriez? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Et Camille m'a dit spontanément, ben, prêtez doudou. Et moi, je lui ai dit, écoute, Camille. C'est son doudou à elle. Oui, son doudou à elle, hein, ça je confirme, c'est son doudou. Alors, je lui ai dit. C'est mignon, ça. Oui, c'est non seulement mignon, mais en plus ça a du sens. Il y a énormément de gens qui ont embrayé pour cette action, parce que c'est un vrai don d'une petite fille qui a été sensible à la difficulté de ses petits camarades. Et donc là, ce doudou, il a fait le tour, il a fait le tour. Alors, de oui, Belgique. Doudou a eu la chance de voyager partout en Wallonie, donc au Parlement fédéral, au Parlement wallon, au marché à Binche, à Péridesa, et avec des photos qui ont été prises par énormément de monde, des gens connus, et des anonymes qui ont été sensibles à ce don. Et on a eu deux parrains d'exception, le chanteur Marca, que je remercie encore une fois ici, et le comédien Jean-Pierre Castaldi, qui se sont dit, moi j'adhère à ça. Et comme beaucoup d'artistes effectivement qui se succèdent ici dans le cube de verre ou par téléphone, il y a beaucoup d'artistes qui effectivement se mobilisent autour de ça. Donc cette opération a fait le tour et vous arrivez avec un chèque de Solidaris. Arrive avec un énorme chèque dont on est très fier, qui est le résultat de toutes les personnes qui ont mis de l'argent, y compris le personnel de Solidaris qui a fait des défis. Et je vous apporte un chèque de 13 358 euros. Je pense qu'on peut féliciter tout le personnel et l'action Doudou for Life. Et les gens sur la place de la Digue, vous les entendez peut-être, mais effectivement, ils sont en train d'applaudir le chèque que vous venez de remettre ici, Steve Radu. On va le déposer au milieu de la table avec tous les autres. Ça veut dire que ce soir, Camille, tu récupères ton doudou? Ah, on le fait en direct. Papa délivre le doudou et Camille, tu pourras faire dodo avec ton doudou. Il s'appelle comment ton doudou? Il a pas de nom, je t'entends pas. Il faut que tu parles dans un micro, ma grande. Il s'appelle comment ton doudou? Doudou. Doudou, bah oui, tout simplement. Hein, pourquoi faire plus compliqué? Donc ce soir, doudou est délivré. C'est l'initiative d'une petite fille qui a prêté son doudou, qui a fait le tour de la Belgique francophone pour un beau chèque, hein, finalement. 13 358 euros. Merci Solidaris d'avoir embrayé dans la grande aventure de Viva for Life. Je vous remercie également d'être à Charleroi parce que je suis heureux que les Carolos sont des gens audacieux, vous savez. Donc, ils ont eu l'audace de faire venir Vivacité et de quitter la cité des Princes-Évêques pour venir à Charleroi. Et je dis toujours que les Carolos, c'est un peu les ch'tis de la Wallonie. Vous connaissez l'adage ? Dites-moi. Mais l'adage qui dit que quand on vient à Charleroi la première fois, on pleure. Et quand on le quitte, on pleure. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Ouais. Et c'est tout ce que vous recevrez des Carolos. Merci d'être passé, les Carolos. Faites du bruit, les Carolos, sur la place de la Digue, s'il vous plaît. Voilà, c'est vrai qu'ils sont là en nombre. Il faut dire que dans quelques instants, il y aura quelques showcases hein, sur la place de la Digue à Charleroi. On va continuer le principe de cette émission. La musique a du cœur, on la partage. Et c'est avec Eurythmics que ça va se faire. J'ai pris un peu le relais de mon ami Cyril qui a eu un petit coup d'émotion là pour l'instant avec quelques témoignages qu'on a eu à la boîte aux lettres. Mais il va revenir, rassurez-vous, il va revenir dans un instant, Cyril. Annie Lennox, Def Stewart dans les années 80. Une demande de Michel de Herstal et un don de 100 euros pour les enfants. Ils sont des trésors à protéger à tout prix. Ils sont l'avenir et l'espoir d'un monde meilleur. Voilà pour le message qui accompagne ce don au profit de Viva for Life. Il y a du sport ce soir, Thierry Luther, ça. Bonsoir Sébastien, avec évidemment la suite de la 20e journée de compétition, l'avant-dernière rencontre du programme qui va démarrer dans 3 minutes au stand standard. Je rappelle l'après-midi le résultat du match au sommet très attendu, un match musclé, 10 cartons jaunes, 5 buts, Bruges, Anderlecht 1-4. C'est un score qui va faire du bruit et qui permet aux Bruxellois de revenir à la hauteur des Brugeois à la deuxième place. Et donc focus maintenant sur ce qui va se passer à la côte dans quelques minutes. Et pour les amateurs, on rappelle que vous pouvez suivre le match sur notre site internet rtbf.be. sport en intégral. Une petite surprise comme dans la compo d'équipe du Standard. Van Damme est sur le banc. Le Jar n'est pas repris. Andrade est titulaire, tout comme Goreux qui revient de suspension. Et Miletz, on vous tiendra informé évidemment de l'évolution du score. Vous allez m'accompagner toute la soirée. C'est un bonheur évidemment, et ça doit le rester. Mais c'est pour ça que j'ai pris cet horaire-là, vous savez. Pour pouvoir passer les soirées de week-end avec vous. Dans un instant, le journal de 18h. Je rappelle une dernière fois de l'heure les numéros à appeler. 0800 30 007 pour vos demandes musicales accompagnées d'un don évidemment, ou alors le 0800 30 007 et le 3xW vivaforlife.be. La musique a du cœur, on la partage, on se retrouve après ça. Imaginez descendre dans les galeries d'Infort et y rencontrer le Père Noël. Vous ne rêvez pas, ça se passe au Fort de Barchon tout ce week-end. Une cinquantaine d'artisans et d'associations participeront à ce marché de Noël féerique et original. Noël au Fort, à Barchon, c'est 18, 19 et 20 décembre. Entrée 3 euros seulement, avec Riavec et Fils. Préparez vos cadeaux de Noël chez Intersport Liège. Venez vite découvrir un très grand choix de cadeaux ski, surf, running, casque, chaussures, vestes, pantalons, sous-vêtements techniques. Et profitez de nos départements location et entretien. Intersport Liège, à Chénet, Quai des Ardennes, 1200 m² dédiés au sport. Intersportliège.be. Durant les fêtes, trouver une place de parking pour faire son shopping est quasi impossible. Alors apprenez le parking acrobatique. Ah là, sur votre droite, il y a une place, allez-y. Mais c'est pour un scooter, ça. Voilà, c'est pour un gros scooter, quoi. Ça va rentrer, allez-y. Ok. Allez, on assiste un peu. Oh mince. Oh, je suis vraiment désolée. Voilà, c'est rentré. Pas vraiment convaincu? Alors prenez plutôt le train. Billets shopping de la SNCB. Voyagez partout en Belgique tous les week-ends de décembre et tous les jours pendant les vacances de Noël pour seulement 11 euros l'aller-retour. Infos et conditions sur sncb.be.